Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Hey, salut, bienvenue ce soir dans notre émission préférée. C'est génial. N'importe quoi ici. C'est une réalité. Ouais, on va parler comme ça. On va tous parler comme ça. Oh, salut tout le monde. Bienvenue dans l'émission. Allumez 80 à l'heure où on passe toutes les musiques de 1880 à nos jours. Non, vous êtes bien sûr dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs, évidemment. De 20h à 22h30, si tout se passe bien, et je pense que ce soir tout va bien se passer, puisqu'on va avoir des invités, mais on en parlera tout à l'heure. On va faire un petit tour de table pour saluer les comparses de 80 à l'heure. On va commencer par le bol, tiens, le plus fringant, tiens, ce soir, Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, j'ai plus mon casque, je m'entends plus. Ça y est, je vais entendre. Mais nous, bonsoir vous, tous et toutes, hein. Vous allez bien? Bah oui, et toi? Bah oui, ça va bien, je suis en pleine forme. Quoi de neuf? Bah, que du vieux, un peu d'actualité, un petit peu de truc à droite. Ah, à tu vas nous raconter une belle rencontre Avec Antoine de Caunes. Bah ouais, oui, bah, mais je voulais voir. Je sais pas. Avec ta femme. Hein, parce qu'il y a eu. C'est une très belle rencontre. Sinon, j'aurais dit très belle rencontre. Non, ouh, c'est mignon ça. C'est beau, hein. Ah, ouais. Non, mais elle m'écoute. D'accord. On lui fait des gros bisous alors. C'est vrai. Non, mais elle m'écoute pas. Bon, bah, tu nous en parleras évidemment dans quelles circonstances tu as rencontré. Non, pas ta femme. Oh. Quoique aussi, tu pourrais nous le raconter. Ah, hein. Bien, on le sait déjà, tu l'as déjà raconté maintes et maintes fois. C'est vrai. C'est vrai. Évidemment. Allez, bah, tu vas nous présenter ton comparse de gauche. Et on va faire comme avec les miss, là. Ouais. Comment tu présenterais le gars qui est sur ta gauche? Il est beau, il est magnifique, il est formidable. Non, à ta gauche, pas à droite. Il est beau, il est magnifique. Ben, hein. Il sent le sable chaud, il a les yeux bleus, il a l'air buriné, il a la coupe burinée aussi, le nez buriné, la gueule burinée, c'est Flip Cat. Hein. Bonsoir. Hello, bonsoir. Bonsoir. C'est bien la gueule burinée? La gueule burinée? Ouais, ça veut dire quoi, burinée? Bah, t'es au burin. Ah, d'accord. Pas bourré. Non, mais je connaissais pas trop. Mais Non, moi je voyais pas ça. Je voyais plus hein, les visages bien. Ah non, bien marqué. Bah, bien marqué, ouais, tapé au burin. Ouais. Très ah, net. Ah oui, d'accord. Bourriner, c'est tapé à la. Ah, ok. Au bourrin. J'ai dit buriner. Voilà. Bon, soit, écoute. Bah, écoute, mon petit burin. Qu'est-ce que tu nous fais de beau ce soir? Une petite surprise. Ah, oh, une chronique. Yeah. Ouais, quand même, hein, ouais. Ah bah c'est bien, à quelle heure? 21h30, comme d'hab. Bien, hein, bien, on a hâte. Petite surprise. On va refaire un petit détour. Pour la circonstance, on va reparler d'un One Hit Wonder, encore une fois. Ah, bien. Ouais. C'est vrai, d'accord, que j'aurais pu vous parler de Malcolm. Mais on en parlera aussi, Young, évidemment. Ouais, hein, lui qui nous a quittés, malheureusement. Ouais. Ouais. Ben oui. Eh ben écoute, ça marche. Voilà. Ça sera 21h30. Donc rendez-vous à 21h30, si Dieu le veut bien. Bon, c'est pas ce qui peut arriver entre temps. Oui, oui, c'est Dieu, il fait pas grand chose ici dans le studio. Il est partout. En parlant de Dieu, on va s'adresser à ses saints. Odissa. Hello. Comment j'espère ça? Que vous allez bien. Ouais, oui, et toi? Toujours. Tu nous as préparé une petite chronique? Yes. Ah, et tu l'as cachée, tu voulais pas la montrer? Ah, ouais, parce que t'es chiant. Encore un dessin animé? Peut-être. Un film? Non, non. Un feuilleton? Ça fait... C'est pas moi, ça. Un film pour nous films. Ah bah écoute, on a hâte, quelle heure? Bon, 8h30 c'est bien, non? 8h30 déjà? Bah c'est ouais, vite. Comme ça après tu peux t'en aller. Ok, ça marche, à 21h je pars. Et bien sûr, nous sommes avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut Sherlock. Bon, salut, bonsoir, Sherlock. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait de beau ce week-end? Bah pas grand chose en fait. C'est vrai? Ouais. T'as pas présenté une élection de Miss? Non, pas ce week-end. Warcoin ou... Ah non. Ouais, on est bien à Warcoin, hein. Ah ouais, tu critiques pas Warcoin. Je sais pas, j'ai dit ça au pif, mais... Eh ben, t'as mal choisi, hein, je te le dis. D'accord. Non, j'ai pas fait... Rien. J'ai pas fait d'élection. Non, rien de spécial. J'ai pas fait rien. Pas fait d'élection. J'ai pas fait rien. Non, j'ai pas fait rien, en fait. Si t'as pas fait rien, t'as tout fait. Ouais. Ok. Et alors, donc toi, on te retrouve évidemment pour la chronique rétro ciné 80. C'est ça, oui, avec un film de 1981. Ah, il a retenu ça de la date, c'est bien. Ouais, je viens de la regarder. Ah, ouais, c'est bien. Il a anticipé cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, à 22h. Les sorties ciné. Voilà, bah, écoute, ça marche, c'est tout un programme. Alors nous, on va recevoir aussi... Bonsoir Harry, comment vas-tu? J'allais dire, on va recevoir moi. mais pas longtemps. Tu nous as préparé une petite chronique aujourd'hui? Oui, absolument. C'est vrai, à quelle heure? À 21h15. Ah ouais. Voilà. Tu l'as préparé à 21h15. Tu restes coincé entre Flipkat et moi, quoi. Non, une petite chronique sur tes MST, Onista. Elle va être un peu longue, mais bon. Ouais, elle n'entend pas assez, elle est tombée. Hein. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas fait un truc sur la blémo. Voilà, donc cystite, et puis voilà. Ah oui. Et oui. Ah, bah Elle serait bien, Madame Folamour, tu vois. C'est vrai. J'ai trop hâte. Et ton herpès, ça va mieux? Oui, on se soigne en même temps, donc tu sais où est-ce que j'en suis. Hein. Bon, d'ailleurs, on salue Johnny au passage. Ah non. Ça faisait longtemps. Arrête de le mettre en boîte, quoi. Il va sortir l'intégrale, dans un coffret. Oui, pareil, j'ai vu ça. C'est Sherlock qui m'a envoyé ça hier, je pense. C'est ça, hier. Je dis, crématorium, il va envoyer allumé. Tu m'étonnes. On devrait pas en rire, parce que c'est pas marrant. C'est pas drôle, quoi. Oui, et puis c'est quand même une vedette internationale. Oui, quand même. Si, la France et la Belgique. Même au States, il est connu quand même, Ouais, je pense aussi. Bah, il habite là-bas déjà, donc. Les voisins le connaissent au States. Vous avez fait une émission, il est pas si connu que ça. Je pense c'est plus, vraiment, vraiment un acteur. Par contre, il est hégémonique. Chanteur. Mais là, il a son public. C'est sûr que c'est pas. Ah, attention, il est assez fan. Hein. Mais quand il se produit aux États-Unis, c'est pour les Français qui sont là-bas. Hein. Oui, le plus. C'est ça, hein. Mais il y a quand même des Américains qui le connaissent. Quand j'avais vu une émission où les gens étaient interviewés, puisqu'il y avait les paparazzi de ça. Le papardi avait demandé, vous savez qui c'est? Il y a l'américain, il dit oui, c'est Johnny Day. Par contre, Eddie Mitchell, évidemment, il avait la barbe, il savait pas qui c'était, quoi. Il accompagnait Johnny. Et derrière, franchement, on rigole, mais il viendra décéder, moi, ça me foutrait un coup. J'irai jamais voir un de ses concerts, je suis pas quelqu'un qui est fan de Johnny Day, mais bon. Moi, je boirais un coup. Quand ce mec-là fait cette carrière, tu te dis que on rigole, mais enfin, on a pas un milliardième de ce qu'il a quand même fait dans son truc. Alors, c'est ça, moi, qui me. C'est un phénomène, quand même. C'est ça qui me chagrine un petit peu, c'est l'album qui sort en ce moment. On a tous quelque chose de Johnny. C'est les autres chanteurs qui chantent des chansons de Johnny. Et je me dis, il n'est pas encore mort, ils sont déjà en train de chanter des chansons de Johnny. C'est lui qui l'a demandé. Hein. Ça fait un peu mort. Mais Eddie Mitchell a fait le même, d'ailleurs. Je pense que peut-être il avait envie de Eddie Mitchell n'a pas fait le même. Il y a un album dans le même trip que ce que. Ah bon, il y en a d'autres qui interprètent ses chansons. Oui. Ah ouais. Eddie Mitchell. Ah ouais, je suis un peu étonné. Mais c'est pas des duos. Des duos plutôt. Là, il a sorti un album, c'est des duos. Ouais, c'est plutôt exactement. En duo il chante. Ah oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est sorti un petit peu avant. Enfin, il y a eu Fugain, il y a eu Vous le dit récemment, il y a eu comment il s'appelle, Gentil Petit Dauphin, le Normand. Oui. Le Normand aussi. Qui a fait quoi? Il a repris son album, a été repris complètement. C'est vrai, c'est pas une blague. Ah ouais, bien sûr, il y a un an et demi. Est-ce qu'il chante le Bleu des Regrets en duo? Je sais pas. Ok. Eh bien, on va discuter de tout ça, on va découvrir toutes ces chroniques. Je voulais vous dire qu'effectivement, on va recevoir donc d'ici quelques minutes un artiste que vous connaissez bien, évidemment. Je vais pas taire son nom, je vais le dire tout de suite, c'est Fabrizio Zeva qui est avec nous, qui sera avec nous d'ici quelques... Il est avec nous, il est là. Je suis là. Salut Fabrizio. Eh ben, écoute, salut tout le monde. Il y a une actualité, il y a un concert, enfin plusieurs concerts, mais il y en a un en particularité qui te touche, tu vas nous en parler, et puis il y a aussi la sortie d'un single, mais on va garder le suspense et on en parlera juste après cette coupure musicale dont seul Sherlock a le secret, et d'ailleurs tant mieux parce que nous on ferait pas mieux. Oh, si, peut-être. Si, c'est vrai, on ferait mieux. Oui, voilà. Donc, on va se retrouver après Talk Talk et It's My Life et Womack and Womack avec Celebrate the World. Ah ouais, Talk Talk, Walkman, Womack and Womack, Duran Duran. Ouais, voilà, c'est ça. Baden-Baden. Allez, on se retrouve après ça. John of Imagination. Écoutez 80 à l'heure. RQC 95 FM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. Lee John from Imagination. Oh, yeah. RQC. Yeah. Faudrait que tu réécoutes le... J'ai un sale accent, peut-être. Bon, ouais, oh, dis donc, là. Eh bien, vous l'avez compris, on vous l'a annoncé pendant le sommaire, il s'est présenté d'ailleurs, il est avec nous, c'est Fabrizio Zeva. Avant qu'il nous parle d'une actualité bien particulière, on va déjà lui demander comment ça va et quoi de neuf depuis la dernière fois que nous nous sommes vus dans les studios de RQC. Tout va très très très bien. Alors, il y a des préparations, il y a des concerts, il y a plein de trucs. Plein de projets, c'est un mois de décembre chargé. Ouais. Donc mon album est terminé, ça c'est une belle chose. Et la sortie, c'est quand est-ce prévu terminé. La sortie, il y a un premier qui est un premier extrait de l'album qui sera, à mon avis, disponible pour le mois de janvier. Ouais. Après, je sais pas, je laisse faire ça aux gens plus compétents que moi. Parce que moi, j'y connais rien du tout. Tu sais, l'industrie du disque, elle a tellement évolué, tellement changé qu'il faut qu'on s'adapte. Donc je ne sais pas si on sort tout de suite un album ou si on sort plusieurs extraits ou si on fait un EP, je ne sais pas encore comment Rick Allison, puisque c'est lui qui s'occupe de tout ça, il veut démarcher, donc je laisse faire ça à des professionnels et je pense qu'il est mieux placé que nous pour. Mais tu vas nous tenir au courant, bien évidemment. Mais j'espère être en tout cas vous tenir en premier au courant. Ah bah oui, alors là ce serait bien. Ah ouais, on adorerait ça. Ça me ferait plaisir de en tout cas proposer mon premier single ici. Ça, c'est mais clair. Complètement. Et allez, petit avant-goût, chanson francophone. Je t'avais expliqué à l'époque, mon album c'est moitié italien, moitié français. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il veut. D'abord, je pense, soit on va commencer par de l'italien, soit par du français. Après tout ça, c'est stratégique aussi. Ouais. Je ne sais pas. Et c'est que de la compo. Ce ne sont que des compos. Que des compos. Ah bien, et ben, on a hâte d'entendre ça, d'écouter déjà le premier extrait. On a deux reprises aussi, pardon. Il y a deux reprises. Il y a qui alors déjà? Tu verras, je viendrai t'en parler. Je suis ici pour autre chose ce soir. Oui, alors justement, parlons d'une association qu'on connaît bien, qu'on suit régulièrement, qui s'appelle donc Un rêve, une étoile et tout est possible. Exactement. Et qui fait parler d'elle. Alors, rappelle-nous un peu le principe de l'association, puisqu'en fait, c'est pour venir en œuvre. En aide aux enfants malades essentiellement. Ouais. Donc voilà, c'est plein de projets, c'est des prestations, c'est ça. En fait, ils sont présents un peu partout, quoi. Donc c'est Béatrice Tola, Véronique Beau. Oui, qui vont nous parler donc d'un événement, puisqu'il va y avoir un concert. Voilà. Qui aura lieu donc. Voilà. En tout cas, l'actualité de l'association, c'est un single qui va sortir prochainement. Ouais. Voilà. Et puis, une prestation qui sera Venise à Noël. Oui. Donc Venise à Noël, le 17 décembre à la Grange. Voilà. Et c'est quoi alors Venise à Noël? Il faut que tu nous en touches un mot. Mais Venise à Noël, on va essayer de se rapprocher en tout cas d'être le plus proche de l'Italie. On va essayer d'emmener le public. Ailleurs, voilà. À Venise. Il y a plein de choses. En tout cas, donc, il y a plein tu vas nous interpréter des chansons en italien. Alors, essentiellement en italien, évidemment, puisque je suis italien, donc autant en profiter pour une fois. Ah bon, on ne se doutait pas, Fabrizio Zeva, c'est pas suédois. Attends, il faut que tu saches qu'il y a Mélanie Bonfito aussi qui est là-bas. Oui. Et c'est une italienne aussi. Ouais. Donc, puisqu'on nous laisse quand même le choix de choisir un programme, autant le faire en italien. Bien sûr. Maintenant, je ne dis pas que tout sera en italien, il y aura probablement aussi des chansons en français, en anglais, on verra. Mais essentiellement, moi, je veux en tout cas mettre ma langue en avant, évidemment. Comme ça. Sors là. Non, tu risques d'avoir choisi, je laisse. On laisse tomber. Vous arrêtez, je suis à côté de lui. est-ce qu'on aura la primeur d'un de tes titres de ton nouvel album ou pas? Je pense que je vais pouvoir en tout cas en chanter un extrait. Ah bah ce serait bien, ouais. Ce serait bien quand même. Ouais. Et donc là, c'est, rappelle-nous la date. C'est le 17 décembre à La Grange, donc ici à Moucron. Ça commence à midi. Alors il y a un repas pour 20€ avec entrée, plat, dessert. Et tu fais le service. Plus le spectacle. Écoute, si je pouvais, pourquoi pas. Je vais voir. Le frais en plus. C'est 25€. Et avec plaisir, vraiment avec plaisir, parce que c'est une association pour laquelle... Je suis tout à fait pour. En tout cas, je voilà. Si je peux, je donnerai un coup de main avec grand plaisir. Alors, tu vas. Comme il risque d'y avoir 200 personnes, peut-être que. Oui, alors pour réserver, justement, il faut faire vite. Voilà. Le 14 décembre, comment on fait pour réserver? Pour réserver, il y a un événement qui est prévu sur Facebook déjà. Oui. Donc, Venise à Noël. Bah oui. Alors là, il y a toutes les informations. Il y a le repas, il y a. Je pense que Véro va pouvoir mieux en parler que moi par rapport au numéro de téléphone. On va relayer après. Ah bah oui, bah absolument. Ouais. Absolument. Mais Véro est avec nous. Elle va se rapprocher du micro. Allez, Véro. Attends, on va faire de la place. Voilà. Alors Véro, alors je c'est pas très radiophonique, mais elle s'approche avec un petit pas de danse, un petit pas chassé, s'approche du micro. Voilà, elle s'équipe. Bonsoir Véro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Véro. Alors Véro qui est la présidente de l'association, donc un rêve, une étoile et tout est possible. Et non pas tout est permis, parce que je voulais... J'ai toujours envie de dire tout est permis, mais... Ça dépend l'heure. Ouais, voilà. Alors, ça, après 20h, c'est tout est permis. C'est... Alors, une nouvelle manifestation, justement, pour récolter des fonds, ce 14 décembre. 17 décembre, donc pour récolter des fonds. Oui, mais excusez-moi, j'ai pas... Ben, vous auriez dû me ramener un tract, comme ça j'aurais pu... Un tract. Fais pas une manif. Un flyer. Demande un chiffon rouge. Un tracteur. Demande un chiffon rouge, ils vont te ramener un tract. Toute boîte. Donc le 17 décembre. Donc il y aura Fabrizio Zeva, évidemment. Oui. Il y aura aussi donc. Mélanie Bonfito. Oui. Il y a une troisième personne aussi, je pense, non? Non. Il y a le Papa Noël qui va venir faire un petit coucou aux enfants. Ah, il sera leur ramener des cadeaux. Oui, il sera un peu à l'avance. Ça y est, ouais. Il chante. Et peut-être, je ne sais pas, demander. Il y a grimage, enfin tout ça pour 20 euros. Donc, un prix très démocratique. Est-ce qu'il y aura Émile Grimage aussi? Elle est bonne. Alors, Sherlock, là, ça va être Dom sort de ce corps. Ouais, voilà. Non, mais Dom de pommes et d'hommes. Ah oui, mais Dom, ouais, j'aime bien. Moi, et pour mettre en appétit, donc le repas, c'est assiette de charcuterie italienne en entrée, avec plat consistant, c'est ossobuco la milanaise avec des tagliatelles, et en dessert, un tiramisu. Waouh! Wow. Et tout ça fait par Fabrizio. Je suis un très bon cuisinier. Moi, j'avais proposé une lasagne au départ. Ouais, mais pour 200 personnes, c'est chaud quand même. Une lasagne? Ouais. Oh. Ça me semblait plus compliqué de faire un ossobuco qu'une lasagne. Mais apparemment, c'est la reine de l'ossobuco. Ouais. Donc, j'ai hâte. Ah, c'est pas un traiteur qui va le faire? C'est nous. Ah, c'est vous qui allez le faire? Ah oui, bah, ça se fait bien, l'ossobuco. Bah, pour 200 personnes, merci. J'ai déjà des difficultés pour faire pour moi-même. Alors, pour 200 personnes. Donne-nous la recette de l'ossobuco au sol. Je sais même pas ce que c'est. Alors tu prends. Je m'en doutais. Mais déjà moi, quand je vais le faire tout seul, ouais, donne-nous la recette. Ouais, parce qu'il y a l'ossobuco, ça se fait pas possible. Il y a du riz, non? Hein? Absolument avec pas. C'est pas du riz, c'est la viande. Alors c'est quoi de l'ossobuco alors? Ben c'est un morceau de soit de veau ou soit, enfin nous ça va faire ça, ça va être de la dinde comme ça. Il n'y a pas de... Ben, au niveau religion, voit, tout le monde peut venir, il n'y a pas de... Donc, ça sera un dindo buco, alors. Voilà, ouais. Un dindo buco, si tu veux. Et c'est avec un petit os au milieu. Tu l'as jamais vu avec un os à moelle. Ça me rappelle quelqu'un, c'est ça. Alors, je te reprends quand même, la dinde n'aura pas d'os à moelle. Heureusement que je vous connais, parce que franchement, ici, il faut le faire. Hein, pour venir, mais c'est que le début. Hein. C'est oui, ça, je sais. Et donc, il y a un petit os au milieu, et à l'intérieur, il y a de la moelle. Il y a de la moelle, voilà. Ça me rappelle quelque chose. Trop tôt. Et ça, j'aime bien. Quoi? T'aimes bien? Ça me donne pas. C'est pas ce que ça adore. C'est super bon. Donc, les tarifs, c'est 20 euros donc, pour les adultes, uniquement sur réservation. Hein. Donc, c'est 20 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Et celui qui veut voir que le spectacle, ils ont la possibilité de venir pour 5 euros. Donc, c'est sympa. Ah ouais, il y en a pour toutes les bourses, en fait. Voilà, c'est un peu pour tout le monde. Il y a pas de. T'as pas peur que tout le monde vienne pour le spectacle? Et bah si c'est comme ça, ben non parce que ben voilà. Ce sera 20 euros pour le spectacle. Alors non, merci aussi donc à Fabrizio qui nous soutient là et qui fait de la pub mais à Max. Merci aussi à Mélanie qui va quand même venir avec un bus. Hein. Donc, Alors elle est toute seule. Qui fait un bus de non, elle fait un bus qui part de Pérou et donc chapeau quand même à elle. Bien. Je l'ai vu. Ah oui effectivement. Donc voilà. Donc on risque quand même d'avoir du monde. C'est bien. Voilà. Ouais, c'est sympa. Bien. C'est sympa. Et donc, c'est le 17 décembre, à La Grange. À partir de quelle heure? À partir de midi. À partir de midi. Voilà, je me permets, c'est l'association Un Rêve, une étoile. C'est vrai qu'on en parle toujours comme ça, mais c'est récolter aussi des fonds pour des enfants et les faire partir. On est bien d'accord. Voilà, hein, c'est voilà. Parce que tout le monde en parle tellement, on la connaît, mais les gens qui nous écoutent, c'est que vous venez aussi, pour un beau geste. Hein, c'est-à-dire, cette association, en fait, récupère des fonds et en fait, non pas les redistribue, mais avec ça, trouve en fait des moyens pour emmener des. Bah, j'ai vu, c'était Euro Disney, cette année, je pense, Disney, on a fait Paradise, on a fait des sorties bowling, on a fait enfin repeindre, enfin il y a quelqu'un qui nous a proposé une artiste peintre de que les enfants aillent, donc elle avait fait le dessin et aillent mettre en peinture et ce bus avec le van a fait le tour de France. Sympa. Voilà, enfin voilà quoi, avec Macbus si vous connaissez, voilà. Enfin plein de petites choses comme ça pour justement pour les enfants. Donc pour Saint-Nicolas, on fait quelque chose aussi pour Noël. Ça donne du rêve aux enfants quoi. Ouais. Enfin voilà. Ouais. On va là on va un rêve, une étoile et tout. Mais est possible. Ça, des concerts en 2018 voilà, voilà qui sont prévus pour les enfants aussi qui n'ont pas justement les moyens toujours d'aller à des concerts et voilà, donc ça. Les fonds sont récoltés pour ça. Ah bah écoute, alors on a entendu parler effectivement, enfin vous nous en a touché un tout petit mot d'un single qui allait sortir. Oui. Tu vas nous en parler juste après cette petite coupure musicale. On va maintenir le suspense et bah tiens, on va demander peut-être à Véro de nous faire une petite roulette song. Ah, vas-y, j'avais préparé deux titres en plus. Donc on va demander à Véro de faire une roulette song. Voilà, bon, tant pis. Non, mais si tu veux vraiment. Mais je vais les noter pour après, je les passerai plus tard. Non, mais Sherlock, si je t'ennuie aujourd'hui, tu me le dis, je m'en vais. Non, c'est pas toi, hein, c'est Harry. Bah, si vous, j'ai rien fait, moi. Vas-y, je t'écoute. Bah, non, en fait, je t'écoute. Tu sais pas, quoi, tu sais quoi, si t'avais été malin, t'aurais fait semblant de tourner la roue. C'était des titres que t'avais fait. Oui, mais je ne suis pas un tricheur, monsieur. Je suis sûr, là. Eh ben, non, parce que je ne suis pas un tricheur, j'aime pas faire ça. Ça, c'est les radios commerciales qui font donc, ça. Donc, Véro, je te dis quand même, la roulette song, c'est qu'il va faire ça avec son doigt, tu dois dire stop. Parce que, en fait, oui, t'avais compris, mais comme on le dit pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec son doigt? J'ai toute une liste de titres devant moi, je vais les faire défiler, tu me dis stop dès que tu en as envie. Stop. Ah. Bézu et la classe. À la queue leu. Quelle horreur. Eh, sérieux, je pensais pas que t'avais vu ça dans ta tête. Allez. Oh, vas-y, on continue. Deuxième titre. Oh, à la pêche au moule. Carrara, Shine and Dance. Ah, j'adore. Ah, ça, j'adore. Italien aussi, hein, d'ailleurs. Je connais pas. Ah, si, tu vas peut-être reconnaître. C'était un violoniste. Pas violeur, hein. Violoniste. Non, il était violoniste. Et c'est lui qui a lancé. C'est reconverti, tu sais. Non, sérieux. C'était à l'époque où Catherine Lara est arrivée avec son violon électrique. Là, bah, elle aussi, c'était la même période dans les années 80. Lui aussi, c'était heureusement la même période. Heureusement que c'est pas filmé. Parce que tu fais des. C'était la même période. Ce qui est marrant, c'est la façon dont tu joues du violon. Toi. Ouais, il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Il est toujours en mode clarinette. Et c'est bien. C'est bien Shine and Dance. Oui, c'est ça, Shine and Dance. Celui-là, ouais. D'ailleurs, c'est un One Hit Wonder aussi, celui-là. Ouais, voilà. Mais je te confirme parce que c'est celui qui a été aussi avec Piazzadora. When the Rain Begins to Fall. Ouais. Parle, mais qui a joué en fait les accords derrière. Ah ouais, ouais. Ah, c'est bien possible. Ouais. C'est un violoniste. Ouais, absolument. Pour une fois, bon, alors. Bah, commence par Carrara. Non, mais. Alors, non, il faut qu'il revienne après quand même. Ah, bah, tu sais ce qu'on pourrait faire? On va demander à Canon de le chanter en même temps. De quoi? La classe, la classe, hein. Ah, je chante toujours avec la classe, moi. Allez, on se retrouve après Bézu et à la queue leu leu et Carrara avec Shine and Dance. Ah, c'est à la queue leu leu, moi. Ah, ouais. Bien aussi. Tout le monde chahute à la queue leu leu. quatre coins de France. Quand on veut s'amuser dans les clubs en vacances, en Méditerranée, du nord à la Bretagne et du sud à l'Espagne, il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. Ah ah, à la queue le le. Ah ah, à la queue le le. Ah ah, à la queue le le. Tout le monde s'éclate à la queue le le. Ah, ah, à la queue le le. Ah, Bonjour, je suis Rital et je le reste. C'est Claude Barzotti et vous êtes sur la radio 80 à l'heure sur RQC. Je vous aime. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. Harry Vader Chiroma. C'est ça qui fait long, maman. Il le chante, hein. Ouais, ouais. Ouais, je pense. C'est vrai qu'il dit ton, ouais, il dit ton nom, Harry. Ah oui, ouais. Harry, on est reculé. Non, mais très belle rencontre quand même avec Claude Barzotti, que Fabrizio d'ailleurs a croisé. A croisé, tu veux rire, j'ai travaillé avec lui pendant presque 10 ans. Ah ouh, sérieux? S'il te plaît. Ah ouais, quand même. Bah, écoute, tu n'écoutes pas quand je te parle. Bah, pas du tout. Monsieur Harry. Il écoute personne, Fabrizio. Enfin, absolument pas, j'écoute personne. Mais non, mais pourquoi tu m'invites ici pour pas retenir ce que parce tu. Que t'es beau. Bah, parce qu'on a des auditeurs, même si lui, t'écoute pas les auditeurs. T'es pas obligé de mentir non plus. Bah, pour petit rappel, à l'âge de 20 ans, j'ai signé un contrat avec Claude Barzotti. C'était lui mon producteur et c'était lui le compositeur de mon premier album. Donc j'avais La vidéo qu'on voit de toi à la chanson, voilà, c'est une chanson que Claude a composée pour moi, qui figurait sur mon premier album, entre autres. Voilà. Et c'est toi qui a fait virer. Qui a fait virer quoi? Présentateur, hein, comment il s'appelait déjà? Sevran. Sevran, ouais. Je l'ai fait virer. Bah ouais, parce qu'on a fini par le virer à un moment quand même. Bon, enfin, je me rappelle plus de ça, moi. Ah si, une fois que Mitterrand s'est barré, dès qu'il y a eu Chirac, sincèrement, on a viré de la télé. Toujours lui, ouais. Non, mais après, ils ont... Puis il a été très malade, oui, effectivement. Mais, non, mais ils ont viré la chanson aux chansons. Si, c'était politique, bon, ça. Mais oui. Bon, en tout cas, ça marchait très très bien à l'époque. Et lui, je crois qu'il côtoie trop les mecs de Chiffon Rouge, ça va pas, ça. Ça détaille. Je dirais une chose à Maggie de Bloc. Camarade. Donc voilà, voilà. Claude, c'était un père. C'était une belle expérience, alors. Bah, attends, à 20 ans, quand t'as Claude Barzotti, il faut quand même se remettre à l'époque. Bien sûr. Claude Barzotti était numéro 1 un peu partout, avec Aime-moi, avec plein de chansons. Donc pour Apprends-moi l'amour. Waouh, c'était géant, effectivement, c'était géant. Ah oui, oui, c'est une belle expérience. Voilà, puis je suis parti avec lui à Paris pour enregistrer cet album chez Bernard Estardi. Juste pour citer, qui avait fait Patricia Cass, qui avait fait Claude François, qui avait bossé avec plein de chansons, plein de chanteurs comme ça. Donc c'était très impressionnant comme expérience. Et alors, cet album, il est toujours dans les bacs ou pas? Alors cet album n'a pas très très bien marché, effectivement. Donc non, il n'est plus dans les... 20 ans après, il n'est plus dans les bacs. Ou alors il doit être dans les brocantes, peut-être. On va peut-être le trouver. Et d'ailleurs, si tu en trouves un, tu peux m'en prendre un, parce que je ne le possède même plus. C'est vrai, c'est dommage. Donc, avis aux auditeurs. Et on peut pas retrouver sur il internet. Paraît, j'ai une amie qui a retrouvé en tout cas le CD sur internet en tapant Fabrice Zeva. Ah, parce qu'à l'époque, j'allais dire, mais t'as encore des trucs de toi, ouais. Fabrice Zeva. Hein. C'est parce qu'on m'a toujours appelé Fabrice au fait. Avec tes longs cheveux bouclés. Exactement. Ouais. Donc elle a retrouvé sur internet et je pense qu'elle a eu pour 10 euros un truc comme ça. Quoi. Donc c'est un prix collector en plus. Ah ouais, sympa. Et bah il faudrait qu'elle nous en envoie une copie. C'est des bons souvenirs. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Toi. Chanson aussi italienne, j'imagine. Non, c'était tout en français là. Tout en français. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, écoute. Il y a Harry aussi qui a chanté une fois, c'est sur Beat des chansons, on la retrouve. Ouais. Pour un euro. C'est vrai. T'as chanté aussi? Ils ont même fini par les distribuer gratuitement, je crois. Hein. Bien sûr. Alors, dans Choucroute et Ravioli, t'as chanté. Tu chantais. Peut-être pas en direct. Ah si, le lapin poète. Le lapin poète. Je chantais le lapin poète. Tu vois, je suis aussi ta filmographie du film. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton calfouette. Oui, si, j'ai chanté ça, c'est vrai. J'adore cette émission. En parlant de lapin poète, moi ce que je vous propose, c'est d'écouter justement Onissa, qui est notre petit lapin à elle, à nous. Tu peux réveiller. Je te préviens, je suis en train de te le dire. On va écouter Onissa maintenant, qui va nous parler donc de sa chronique. Elle cherche ses notes. Hein. Voilà. Ouais. Tu vas nous parler de quoi, Onissa? Alvin et les Chipmunks. Ah oui. Comment? C'est dur à dire, hein. Je te jure, mais j'avais dit, j'adorais, mais c'est déjà misère à le dire. On dirait que tu parles comme quand t'es bourré. Ah ouais. Alors comment ça s'appelle? Donc Rika Pépette et Articule. Alvin et les Chipmunks. Et les Chipmunks. Ouais, parce que tu m'aides. C'était ça le générique. Ouais, c'est le délire, Alvin et les Chipmunks. Quoi qu'il arrive, on va bien vivre. C'est les Chipmunks. C'est Merci Sherlock. On croyait que t'allais mettre la version longue. Non, non, c'est la version courte. C'est l'ami qui nous a mis Bézu, donc. Ouais. Non, c'est pas moi. C'est l'ami. Ouais, c'est pas moi qui est dit stop. Hein. Alors, vas-y. Non, je le dis pas. Je le dis ouais. Pas. Donc la première diffusion, c'était en mars 86. Mais sur Canal+. C'était ouais. Pas diffusé. Pas en clair, alors. Commence pas. En soi, j'ai rien dit. Je demande est-ce qu'il fallait le décodeur ou pas. Non. Ou la passoire, éventuellement. Et alors, donc, c'est l'histoire de trois petites bestioles. C'est quoi comme bestioles? Tu peux nous regarder aussi, Onissa. Il n'y a pas Carrie, c'est une grande relation. On voulait tous les deux. Non, c'est pas des écureuils. Des hamsters. On pense tous que c'est des écureuils, mais en fait, c'est des tamines. Des quoi? Des tamines. C'est quoi des tamines? Des petits écureuils. C'est des petits minets, en fait, tu sais, voilà, c'est ça. Ah, mais j'adore. Donc, il y a Alvin, qui est l'aîné. Et après, comment ils s'appelaient, ces deux frères? Ah, parce qu'ils étaient trois. Ouais. Il y avait je viens de dire, il y a Théo, trois petites amines. Ah oui, d'accord. Théodore. C'est des petites amines. Et Théophile. Les primés vitamines. Je me souviens plus. Emmanuel. Simon, c'est Simon. Ça. Simon, c'est le plus petit Théodore. C'est de quand? 86. 86, hein. Ouais. Je me souviens pas de ça. Moi. Enfin, oui, tu diras 86, j'étais à l'armée. C'est autre chose que regarder les. J'étais à l'armée, moi. Ouais. Si, et ils sont recueillis par Dave, leur manager, qui va devenir leur manager. Du côté de chez Swan. Mais non, mais c'est une belle histoire. Et en plus, à chaque fois qu'il y avait. Allez, parce qu'ils font que des catastrophes. Ils nous viennent de où, les Chipmunks? C'est quoi? C'est des petits. Non, mais d'accord, mais ils parlent, c'est pas normal. C'est des chanteurs. Ah, d'accord. En même temps, c'est un dessin animé. Hein. Attention. Bugs Bunny parle aussi, cependant, c'est un lapin, tu vois. C'est un dessin animé. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que le gars qui a produit la série et qui a inventé ça, c'est venu tout bête. Il a pris une de ses chansons et il a mis en accéléré. Et il a fini numéro 1. Donc, de ce fait-là, les petits personnages qui étaient sur les pochettes et ci et là sont devenus hyper connus. Et ils ont fait 30 albums, hein, quand même, il faut savoir. Hein? 30 albums! Les Chipmunks! Ouais, les Chipmunks! Non, mais même, ils étaient connus dans les dessins animés, mais en même temps dans la musique. Ils ont fait un carton. Exactement. Et moi, je me rappelle parce qu'ils faisaient des reprises, au fait. Ils ont fait à chaque fois des albums de reprises. Ouais. En accéléré, donc en chantant. Ils ont même fait une reprise d'un album de Fabrice Zéva. Dommage, je serais millionnaire. Ça a cartonné. Ça a fait un carton. Donc en fait, le dessin animé, il plaisait hyper bien parce qu'ils font des bêtises, c'est des catastrophes. Ça finit toujours par une morale. Donc les parents, c'est fédérateur, donc ils adorent. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'ils ont cartonné dans l'univers musical. Dans les parades, c'était un truc de malade. Là, on découvre des choses. Oh là là, mon Dieu. Là, franchement, non, je suis surpris. Chipmunks. Tu peux trouver jusqu'à Bézu, d'ailleurs. Attends, les Chipmunks, moi, j'avais le générique, mais. Le nom me dit quelque chose, mais. Parce qu'ils ont refait des films, il y a pas longtemps. Non, mais ils ont fait 30 titres. Oui, c'est pour ça. J'ai entendu parler de ça récemment. 30 albums. Ça a dû quand même percer. 30 albums. Ils tournent encore? Ils ont encore sorti des films il y a pas longtemps. Et elle répond encore. Oui, parce que, en fait, si tu veux, c'est parti d'une blague. Le gars, il a mis ça juste en accéléré. Mais quand il a fini numéro 1 ou de parade, il dit attends, c'est quoi ça? On va continuer. Et après, d'ailleurs, ils ont splitté depuis, après, pas, trois, non. Après trois saisons, ils ont rajouté en plus les chipettes. Donc, c'est les chipmunks. C'est les femelles des chipmunks. Oui. Et alors, ça a commencé à se casser la gueule. Mais dès que tu mets de la gonzesse. De toute façon, dès qu'il y a de la gonzesse, au début, ils sont concurrents ici là. Et puis après, tu tombes dans. Pour les ados, ce qui est très bien. Ils ont mis des femmes. Et puis voilà. C'est super. Ça n'a pas suivi. Il y a qu'un épisode où c'est plus. Comment je vais dire, c'est plus touchant parce que là, les chipmunks. Non, les trois frères. On va faire un chipmunk. Retrouvent leur mère et elle leur explique pourquoi elle a dû les abandonner, et comment elles se sont retrouvées chez Dave et ci et là. Mais ça chez Dave en plus. Vaina. Vous êtes pas sympa. Mais ça vous dit rien, ça te dit quelque chose quand même. Si, évidemment. Oui, si, bien sûr. Dave se tapait des écureuils. On va tout savoir. Mais il a toujours été pour la nature, lui. Il est un petit peu zoophile, hein. Je l'ai entendu dire ça. Les chipettes, elles s'appelaient comment? Je sais plus. Chipmunks. D'accord. J'ai pas noté. Mais moi, je me rappelle très bien. Hein. Des chipettes ou des chipmunks? Des chipmunks, mais pas des chipettes, non. Si, elles rentrent en concurrence et tout, c'est géant, ça. Et toujours sur fond de musique, donc c'était super sympa. Est-ce que tu nous as sélectionné un titre? Quelque chose qui a cartonné des Chipmunks. Ouais, regarde, Sherlock, il te l'a donné tantôt. T'as eu le... Non, mais on l'a pas entendu. Bah si, t'as dit stop, bon, arrête, bon, j'en ai marre bon. Les oreilles. Ah oui, mais ça, c'était le générique. C'était le générique. Ouais, c'était le générique. Ils ont pas pris un truc accéléré, non. Si, ah, bah leur première chanson, c'était bah, oui, 30 albums, c'est ça. Hein? Ah ouais, bah alors, si tu me dis ça maintenant, tu me l'aurais dit tout à l'heure. Ah là, Onissa, il faut préparer ton MP3 et ta clé. T'as préparé, toi, ta chronique, mon loulou? Absolument. Oui, vas-y, dis-moi. Bah, j'attends qu'il... Ça va être sur les écureuils, justement. Mais la version française... Il va lancer tout à l'heure. Mais c'est vrai que, franchement... Ils ont repris les... On voit qu'elle est là maintenant depuis 3 mois. Ouais, ouais, c'est... Donc, bah, tu disais, elle a pris ils ont repris les plus grands tubes. Mais comment ça a pu marcher, quoi, c'est ça, ça a cartonné. C'est un peu comme les Mignons. Cartonné. Les Mignons, ils reprennent des chansons aussi maintenant. Ouais. C'est ça, à l'heure actuelle. Voilà. Avec la voix des Mignons, et ça marche. Ouais, alors ça c'est des fans en fait qui accélèrent le tempo mais des bon, chansons. Mais bon, ça cartonne. Oui, mais quoi, c'est le même principe. Ouais, voilà, c'est ça. Les bips avec le truc aussi là. Oui. Axel Foley, la grenouille là, ou je sais plus quoi. Ah oui, ouais. Axel, ouais. Crazy Frog. Crazy Frog, ouais. Ah ouais, c'est ça, je me dis. Non, c'était chouette. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant? Eh bien, là, ils tombent amoureux parce qu'ils arrivent dans l'âge où les hormones travaillent. Et voilà. Ils sont millionnaires, ils arrêtent. Voilà. Ils s'en roulent pour eux, quoi. Et ils sont toujours ouais, c'est ça, ils protègent ils cherchent une autre idée. Mais ils ont quel âge, alors, maintenant? Ils sont très vieux comme toi. Hein. Ils sont tout gris. Elle est de plus en plus agréable, hein, vous ne trouvez pas? Bon, bah merci, Onissa. Ta période probatoire est... T'es bien ou pas? Mais si, ça me dit quelque chose. Bah alors? Bah c'est ce que je t'ai t'aimais dit. T'aimais pas? Bah si. Si, j'aimais bien. Tu fais des chipettes? Non, je ne me rappelle pas des chipettes, par contre. Il y a des quand même. Si on vous dérange, vous le dites, on va aller boire un verre. Et nos auditeurs, depuis 40 minutes, se disent... Eh bah écoute, merci, Onissa. De rien. Pour cette belle rétrospective sur ce dessin animé de merde. Ben non, c'est pas vrai. Non, mais je le trouvais bien, moi, ce dessin animé. Non, c'est vrai. Et ça finissait toujours par une morale. C'est très intéressant. Comme les Walt Disney. C'était donc des écureuils, pas des chats. Des tamines. Ah non, parce que dessin aminé, t'as dit. Oh là là, oh là là, j'ai compris. Il a très soif. Non, ça va, de ce côté-là, c'est bon. Ok. Oui, je veux pas dire que à 80 à l'heure, on a des émissions parfois qu'on élève, d'autres moins. Tu es tombé dans une émission moins élevée. Est-ce aujourd'hui. Que tu pourras nous balancer le lien sur la page 80 à l'heure? Je suis nul. On aimerait bien regarder un petit peu. En tout cas, merci Onissa, tu peux rentrer chez toi maintenant. On te remercie beaucoup et puis ben on se retrouve l'année prochaine. Moi je fais plus de chronique pour vous. Bah non mais c'est trop tard, j'ai déjà dit à Sherlock ce que j'allais faire dans 15 jours. Alors d'ailleurs, pourquoi tu fais tous les 15 jours maintenant? Flipkat, oui. Tu vas nous traduire en anglais. Oui. Onissa ne fera jamais plus de chronique dans l'émission 80 à l'heure en anglais. On dit fuck. Yes. C'est pas gentil. Mais non, on te taquine. Alors, on rappelle que nous sommes donc avec Fabrizio Zeva et Véronique. Donc, Véronique, évidemment, donc présidente de l'association. Donc, une étoile, un rêve, une étoile, et tout est possible. Et Fabrizio Zeva, évidemment, donc notre chanteur adoré. Enfin, ouais, adoré, on va dire. Ouais. Notre chanteur, quoi. Enfin, un chanteur. Ouais. Amoureux. Il est là, quoi. Il est là, quoi. Mais si, on l'adore. Évidemment, on l'adore. Il est très connu, Fabrizio. Il y a un événement. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, si vous voulez retrouver Fabrizio Zeva, vous allez sur sa page Facebook. Il y a un site internet aussi, je pense. Pas encore, non. Ah, mais ça va venir. Il nous dit ça tous les ans. Donc, il y a une page Facebook. Vous allez le retrouver. Vous retrouvez donc toute son actualité. Et bien sûr, il y a le 17 décembre, donc à la salle de la Grange à Moucron. Donc, ça s'appelle Venise. À Moucron. Venise à Moucron. Noël. Noël à Venise. Noël à Venise, ouais. Avec Fabrizio. Qui devrait chanter s'il n'oublie pas l'endroit ni la date. Donc c'est 20€ pour les adultes, donc ouais, c'est un repas. C'est vraiment pas cher. Entrée, 10€ pour les enfants. Bah oui, 10€ pour les enfants. Entrée, plat, dessert, spectacle, quand même deux spectacles, puisqu'il y a Mélanie. Oui, aussi. Hein, donc puis il y a moi, puis il y a des grimages, puis il y a le Père Noël. Donc vraiment, c'est... C'est sympa, voilà. c'est sympa. Mais on va y revenir. C'est 20€ pour les adultes, il faut le préciser. Oui, pour les enfants, c'est 10€. 10€, absolument. Et c'est celui qui veut voir que le spectacle, c'est ça. Et celui qui veut voir que le spectacle. À partir de 15h, ce sera 5€ pour voir le spectacle. Eh bien, c'est noté. De toute façon, on va se refaire une petite coupure musicale. On va vous retrouver parce que vous allez nous parler de ce single, d'ailleurs, qui va sortir très prochainement. Toujours donc, dans le cadre de l'association. Donc. Un rêve, une étoile et tout est possible. Et on en parlera donc en long, en large et en travers juste après cette petite coupure musicale de Sherlock. Maintenant, ça me fait peur. Hein. Non, alors avec Albano et Romina Power avec Felicita. Ah, ouais. Et ensuite, on reviendra avec Claude Barzotti et le Rital. Oh yeah! Ah oui, je me suis dit, on a Fabrizio Zeva et il faut qu'on. Ouais, qu'on t'es pas obligé de passer tout l'album de Barzotti, tu sais. Tu sais que j'ai l'album aussi. Ouais, t'as tout compris ce qu'on a expliqué dans l'actualité, monsieur Bagarre. Ouais, ouais. Allez, on se retrouve tout de suite. Innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità felicità felicità è un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità felicità felicità e un bicchiere di vino con un panino la felicità e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità e cantare a due voci quanto mi piace la felicità felicità senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità la radio che fa e un biglietto d'auguri pieno di cuori la felicità e una telefonata non aspettata la felicità felicità felicità e una spiaggia di notte l'onda che batte la felicità e una mano sul cuore piena d'amore la felicità e aspettare l'aurora per farlo ancora la felicità J'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Arrive. Le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourcis en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rita et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues les mêmes, ma musique est italienne. Je suis Rita dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rita et je le reste. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Salut, c'est Sarah Le Thor. Un gros bisou à toute l'équipe d'RQC à 80 à l'heure. Plein de bisous. Sarah Le Thor avec l'un de ses derniers titres, No Limit. Issu de son dernier album, Sarah Le Thor, qu'on avait eu aussi en interview, je ne sais plus quand d'ailleurs, sur Boucron. Elle nous avait fait le plaisir d'accepter l'interview lors d'un concert, je ne sais plus pourquoi, Sherlock, dis-moi. Moi. 24 heures, non ? Un truc comme ça, non ? Ah, c'est bien, oui, possible, les 24 heures de Boucron. Ouais, c'est bien possible, effectivement. Et bien, nous rappelons que nous sommes toujours avec Fabrizio Zeva et Véronique, présidente de l'association Fabrizio Zeva. Je ne peux rien, et Fabrizio Zeva, qui est avec nous ce soir. Voilà. Qui est moucronois et qui parle comme chaud. Fier d'être italien, fier du foot italien aussi. Non, moi je suis pas foot du tout, je te le dis. Ah bah tant mieux. Parce que tu devrais pas les voir à la Coupe du Monde. Parce que c'est la cata. Ouais. Bah c'est disons, il sera tranquille. Triste, quand même. Alors, la Coupe du Monde voilà. sans les Italiens, je suis quoi. Oh et bah. Ah ouais, j'aime bien. Oui, bah, pareil. Pardon. Bon, en tout cas, donc on est aussi avec Véronique, présidente de l'association, donc Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible. Canon, qui est avec nous aussi également. Oui, alors lui, il a vécu aujourd'hui. Ça s'est passé ce week-end, ouais. Et alors, il t'a croisé, monsieur Antoine Decaux. Oui, oui, bah, c'était prévu. Donc, il était au Singing Studio à Lille. Et en fait, donc, j'avais animé en fait les championnats d'Europe de karaoké. Et donc, ils se sont déroulés à Budapest. Oui. T'as été à Budapest alors ? Non, moi, j'ai pas pu y aller. Donc, j'ai fait tous les championnats d'Europe et les sélections, le jury, et puis jusqu'à la fin. Et ils sont tous partis à 4 là-bas représentés. Il y a Marina Trinel en fait de la France qui a gagné le championnat d'Europe, qui est revenue, donc qui a été sélectionnée au singing. Elle est revenue, donc on a tourné pour une émission qui va passer, je crois, un grand reportage. Il va y avoir 40 minutes d'émission complète. On va tout le voir tout le temps, machin, voilà. Mais il fallait. Ah oui. Ah non, je pense pas, non. Je pense pas. Ils sont dit, on l'a déjà vu. Non, mais là, c'est pas pour parler de moi. Non, mais oui, j'y serai tout le temps, ça c'est sûr, mais c'est pas abri, vous savez comment c'est coupé. Ouais. Ils l'ont accompagnée à Budapest, elle est revenue, donc là elle est sélectionnée pour les championnats du monde, donc elle a quand même gagné la sélection. Au Japon alors ça se partira au Japon, tout de suite comment Un karaoké, effectivement, c'est au Japon. Là je compte bien y aller. Voilà, je compte bien y aller. Je compte bien y aller. Et donc, donc il fallait pour la fin de l'émission et tout ça, ils ont demandé une guest star de venir, qui était Antoine Decaune, et voilà. Et donc on a eu contact avec l'équipe et tout ça, et on a assisté. Donc on a fait aussi le public. Et après, enfin moi pour d'autres raisons, et lui évidemment était avec Marina Trinel, a chanté, a fait le show. Mais il est venu faire quoi, alors, Antoine Decaune? Bah il est venu l'interviewer, faire la guest star, faire je peux pas tout dire, mais il a fait le show. Bon, il y a des prises de vue qui vont faire que ça va créer l'animation. Il est très bon, très abordable. C'est une vraie star. C'est une vraie star parce qu'il est très abordable, très sympathique. Tu peux parler avec lui. Il parlait avec son public. Il faisait rire tout le monde. Il se la pète pas. Et Dieu sait qu'il est, il est énorme parce qu'il est vraiment nonchalant. Mais quand il joue ce qu'il avait à jouer, est-ce qu'on a joué ensemble? Je parle l'ensemble des personnes qui étaient là. Ça s'est passé. On s'est vraiment poilé. Étonné, bah, on s'est vraiment poilé. Hein, et à un moment qu'on a fait séance de photos, parce que là, on a terminé parce que avec les champions, l'équipe, moi-même, etc. Et c'est vrai qu'on s'est prêté, j'en ai mis une là, mais il y en a d'autres où on s'est poilé. Et sa fille n'était pas là? Pardon? Et sa fille était là? Sa fille, non, n'était pas là. Dommage. Mais elle va bien. C'est vrai? Et tu vas savoir la date quand ils vont diffuser l'émission? Je l'ai déjà, mais je ne peux pas la dire. Ah oui, pourquoi? Parce que je peux pas la dire. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est tout? Ouais. On a des clauses. Mais tu peux nous l'envoyer par SMS. Il y a des trucs. Tu peux l'écrire? Non, je peux pas. Attends, mais après, tu pourras le dire. C'est comme 4 mariages et une lune de miel, vous m'avez envoyé. Mais tu sais, au moins, tu sais la chaîne. Ah oui, ça, je peux comprendre. Mais je pouvais pas le dire. Oui, non, bien sûr, mais tu vas. Après, tu sauras le dire ou on devra. Oui, bientôt, je pourrais vous le dire. Oui, oui, oui. Mais là, pour l'instant, non. Parce qu'il y a des post-productions, il y a des droits. C'était ça. Voilà. Je vais regarder pour savoir s'il est bien. Je vais leur lancer certainement entre le 17 décembre et le 7 janvier 2019. 19 Voilà. Bah ouais, vous savez. Ce sera un reportage posthume. Je l'ai vu à l'Olympia il y a quelques années, mais c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. Bah, il est très très. Alors après, c'est pas. Ah, je croyais que tu parlais de Canon. C'est pas. Ouais, c'est pas. Oui, ça, t'as pas envie. On m'appelle. Non, mais pas. Si j'avais su, mais bon. Ah, bah, t'aurais pas pu. Je veux dire, c'était. Non. Non, non, mais c'est pas parce que nous, c'était une émission qui était fermée. Singing était loué, puis c'était fermé. Il y avait les invités officiels, les gens du public avaient été. Voilà. Trio volé. Puis, nos conjointes, on nous a demandé aussi de créer, même des enfants qui étaient là. C'était pour faire l'animation. Voilà. En fait, à un moment, on est dans le singing, et puis Marina Trinel, en fait, arrive comme championne, mais avant. Antoine Decaune fait son show et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, faudra le voir, mais c'est assez sympa. On prendra rendez-vous et puis on ira voir Canon en direct dans Grand Reportage. Oui, ça va passer ça va passer prochainement. Et au singing, il va se passer des choses aussi avec RQC, puis avec des chanteurs, j'en parle aussi avec Fabricio récemment. Mais ça va se faire, on va fédérer quelque chose de vraiment sympa, sympa pour la musique. Pour les années 80 en plus. Mais sans Onissa. Vraiment... Pardon ? Sans Onissa quand même. Bien sûr, j'ai dit on va fédérer quelque chose, un événement qui fonctionne. Mais non. Bon, c'est bien là, un élément fédérateur de l'émission, c'est notre ami Sherlock. Oui. J'aime bien. Je me gauche, je m'esclave. Ouais, c'est ça. Oui, mais non, mais puisque c'est l'heure ou jamais. Ah oui, forcément. Jamais. Au ciné 80. Oui, effectivement. Donc, je vais rappeler vite fait le principe de la chronique ciné rétro 80. J'ai regardé un film donc cette semaine des années 80. Là, notamment, c'est un film de l'année 1981. Je vais essayer de vous le faire découvrir également en vous donnant des petits indices. Si vous l'avez trouvé, ne dites pas le titre tout de suite, mais essayez de donner également des petits indices à vos camarades autour de la table. À vos camarades, mes petits camarades. Allez, c'est parti. Fabricio, tu veux bien faire mon petit camarade générique. Nom de Zeus, les amis. Ah oui, vous l'avez manqué. Ah merde, c'est pas la honte. Merde. Montons vite dans la DeLorean et repartons vers l'année 1981. Ça fait un peu Thierry Roland. C'était le rire de Thierry Roland. Alors oui, effectivement, donc l'année 1981 et plus précisément le 2 septembre 1981. Ah, celui-là. Mercredi. Oui, c'est un mercredi. Ah, celui-là. Bah oui. Alors, est-ce que ça vous donne un petit indice déjà? On voit quelle orientation prend là. Non, c'est pas fantastique, c'est un film de science-fiction. Alors, donc, je peux vous dire que le film a reçu un Saturn Awards et a eu 4 nominations, dont une aux Oscars et 3 aux Saturn Awards. Ouais, donc c'est un film de science-fiction. Oui. Le film a fait 564 626 entrées au box-office français. Ah, Saturne, hein. C'est pas beaucoup, non, effectivement. C'est Johnny qui dit ça, Saturne. C'est pas beaucoup. Non, Saturne. Alors, le film a eu un prix, mais n'a pas fait beaucoup d'entrées. Et le film est de Peter Iams. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien à voir avec le groupe marseillais. Non, ça me dit rien. Je danse le Mia. Ouais, ben c'est pas du tout ça. Alors, je vais vous donner le premier indice, c'est le thème général du film, écoutez bien. Forcément, ça va pas vous donner. Alors, moi, un indice, est-ce qu'il y a un chanteur dans le film? Un chanteur dans le film? Non, c'est pas celui-là. Non. Tu penses à qui? C'est pas Dune. À Sting? Non, Dune? C'est pas Dune. Oui, c'est pas ça. Non, d'accord. Raté. C'est pas Gorge humide et profonde? Non, c'est pas ça non plus. Le truc avec Nicolas Hulot? Non, pas du tout. Alors, il y a Flip 4 me parlait d'un film. Oui. C'est pas ça. Non, parce que c'est pas la bonne époque. Ce serait bien que vous le répétiez parce que c'est pas très radiophonique ce que vous dites. Hein. Je disais, il parlait de 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce qu'il y a une séquence où on entend ce même bruit de fond dans l'espace, mais le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, il est bien antérieur à ça. Parce qu'à un moment, dans le film, il y a des choses flasques lumineuses. Il y a Fabrizio qui est en train de chasamer la musique. Je le crois pas, c'est dingue ça. Est-ce que dans le film, il y a des choses visqueuses et lumineuses? Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu une suite? Non. Est-ce que ça commence par un A? Non, c'est pas celui-là. Non, est-ce que ça commence par un B? À quoi est-ce que ça commence par un C? Abyss, non, des non, trucs. C'est pas Abyss. Ouais, non, les choses visqueuses et lumineuses, c'est pas ça. C'est vraiment. Alors, SF. Fabrizio, est-ce qu'il t'a donné un titre pour. Pas du tout. Ah, voilà, très bien. Alors, c'est Jerry Goldsmith qui a fait la musique. Ah, ouais, on reconnaît bien. La musique continue à tourner là. Oui, alors je vais vous la repousser un petit peu. C'est le même thème? Ouais. Et il y a est-ce qu'il y a d'autres musiques dans le film connues? Ouais, le générique de fin. Ah ouais. Mais il y a pas eu de musique spécialement. Ouais. Enfin, c'est un thème qui va tout au long du film. Thème-là, ouais. C'est pas vraiment. Alors, je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a Angus MacHines, John Ratzenberger, Steven Berkoff, Clark Peters, Kika Markham, James Seeking, Franz Sternhagen, Peter Boyle, et je vais même vous donner l'acteur principal qui était Sean Connery. Sean Connery? Ah merde, je pensais pas. Ah. Et je suis tellement sûr que vous l'avez jamais vu ce film que je vous donne l'acteur principal. De science-fiction avec Sean Connery? De science-fiction avec Sean Connery. Eh ouais. Ouais, pas... Là, franchement, le film est censé se passer dans les années 80 également. Je sais. Non, pas dans les années 80. Je sais. Pas forcément. Je sais. D'accord. Mmh. Bah, donne un petit indice alors si tu sais. Non, c'est une connerie. Ok. Bon. Excellent. Alors je vais. Bon, pas de moi. Je vais vous passer donc un deuxième extrait. C'est un extrait de dialogue. Écoutez bien, ça peut peut-être vous donner un indice sur le film. Au fait, j'ai votre rapport. Hémorragie interne de l'abdomen. Pourquoi ne me l'avez-vous pas apporté? Je ne fais pas de visite à domicile. Vous en ferez maintenant. Elle s'en tirera, à votre avis? Peut-être, si vous me laissez travailler. Nous avons eu 28 accidents dans les derniers 6 mois. Je me demande combien dans les 6 mois qui ont précédé. 24. J'ai l'esprit d'initiative. Je vous donne le chiffre pour les 6 mois encore avant. 2. Vous êtes sûr? Oh, je suis mal embouché, mais pas idiote. Évidemment, j'en suis sûr. Je sais compter. Qu'est-ce que vous en déduisez? La plupart des employés de cette mine pédalent dans la smoule, si vous voulez mon avis. Que tout à coup, il y en ait plus qu'avant qui deviennent fous, ça n'est pas tellement étonnant. C'est un miracle qui n'est pas une hécatombe plutôt. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? En général, ils partent avec la navette. On les enveloppe et on les éjecte à mi-parcours entre ici et la station spatiale. Les sépultures sidérales, les honneurs et tout le tremblement. Bah bah bah. Ouais, ouais. Alors, bah, tout est dit. Hein. Je vais même vous donner le pitch du film. Ah bah donc c'est le titre. Non. Alors c'est un policier donc qui s'appelle William T. O'Neill qui accepte le poste de shérif d'une station de forage minière installée sur l'un des 4 satellites de Jupiter. Une série d'incidents se produisent et les ouvriers ont un comportement très agressif. Le shérif s'aperçoit alors qu'on les dope pour obtenir un rendement meilleur. Seulement, la drogue utilisée est très dangereuse. Je te promets, je l'ai vu, mais je sais plus le titre. Alors, je vais vous passer donc le deuxième extrait de dialogue. C'est très rare, mais je suis un fan de Sean Connery, je l'ai vu. Je vois, quand tu m'as dit shérif, moi, je l'avais jamais vu. Je vois des scènes. Moi, je vois des scènes. Un deuxième extrait de dialogue, ça va peut-être te revenir de cette là. Écoute. Non, j'ai plus le titre. C'est incroyable. Ces pauvres mecs se droguent tous au polydichlorique thymal. C'est une amphétamine. Jamais rien vu de plus puissant. On se sent sur un nuage. On abat le boulot de 14 heures en 6 heures. Des cadences démentes. Particulièrement chez les manuels, l'ouvrier se tue à la tâche. D'ailleurs, l'armée a fait toute une batterie de tests. Au début, les hommes n'éprouvent rien. Mais ça finit par les rendre dingues. C'est assez sournois. Mais ça peut prendre 10, 11 mois. Et puis, une crise brutale. Vous dites que c'est synthétisé. On peut le fabriquer ici? Non, c'est impossible. Il a fallu qu'on l'envoie. Et aucune autopsie, docteur. Donc, ni vu ni connu. Les ouvriers ont un meilleur rendement et la compagnie fait de plus gros profits. Ça n'est pas elle qui posera les questions. Travail d'orfèvre. Surtout pas moi tout seul. Ce qui est formidable, c'est les cuts. Ouais, c'est toi? Ouais, c'est moi qui ai découpé. Ah, c'est toi, d'accord. Parce que ça faisait un peu plus de 2 minutes. Je veux pas dire que tu les as mal fait. Je croyais que c'était dans le film. Cuts. Non, c'est moi qui ai découpé. Oui, j'ai repris l'essence du dialogue, en fait. Oui, parce que le dialogue est beaucoup plus long. Il y a des blancs entre deux. Parce qu'il y avait des baisses de niveau, je me dis, le qui s'éloigne dans la pièce en fait. Donc, du son, il est pas bon. Hein. Non, c'est moi qui ai dû recouper. Donc, d'accord. Mais à coup le pas. Ah non, mais si elle coule pas, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je vais vous donner le générique de fin, attends, c'est mais ça. Si je suis amateur de SF. Ah oui, ouais, c'est vrai, en plus, t'es amateur de SF. Ça, c'est le générique de fin. Alors, mais bien sûr, autant n'emporte le vent. Pas du tout. Pas du tout. Sur Mars. Sur Mars. Non, sur Jupiter. Sur Jupiter. Sur l'une des lunes de Jupiter. Alors le titre, je vous le donne puisque personne ne l'a trouvé, c'est Outland, loin de la Terre. Ah. Oui. Ah ouais. Si. Outland. Outland, ouais, loin de la le Terre. Le titre, ça me parle, mais alors le film, je l'ai jamais vu. Eh ben moi, je l'avais jamais vu non plus. Le titre me disait quelque chose. Et je pensais l'avoir vu. En fait, je l'ai mis et j'ai découvert un film. Et il faut savoir que Sean Connery, donc la star, devait jouer dans Les Chariots de Feu un caméo important, mais dut renoncer en raison du tournage d'Outland qui se déroulait au même moment. Pourquoi un caméo, je comprends pas. Il devait apparaître dans Chariot de Feu, en fait, le film Chariot de Feu, il devait... Pourquoi un caméo? Bah ouais, en gros, il devait faire son rôle, apparemment. Dans Chariot de Feu? Ouais. Alors que c'est un film qui... C'est dans les années 50, quoi. Un caméo? Ouais. Mm-hmm. Un caméo, c'est... Une apparition de quelques secondes, voire de quelques minutes. Hein. C'est pas forcément en son propre nom. Hein. Mm-hmm. Alors, donc, le rôle du docteur Lazarus, qu'on a entendu dans les extraits, devait d'abord être offert à Colleen Dewhurst, et elle a en fait... elle est arrivée, donc, à Francis Sternhagen. Alors, le tournage ne s'est pas fait sans difficulté, les nouvelles lois fiscales ne permettant pas à Sean Connery de travailler plus de 90 jours sur le sol britannique. Parce qu'ils ont tourné ça sur le sol britannique. Les cons. Donc, il ne pouvait pas tourner plus de 90 jours au risque d'être taxé. Or, ses visites effectuées dans des écoles écossaises devant les caméras de la BBC ont considérablement entamé son capital et ses scènes devront être tournées en 19 jours, ce qui l'oblige à quitter l'Angleterre chaque week-end et aucun retard n'est envisageable. Donc le film a été fait quand même... C'est un truc de fou quand ça Ouais. Là, c'était vraiment un truc de mal. Il aurait pu payer des taxes. Hein. Enfin bon... Ouais... Alors donc, Outland est le premier à utiliser le procédé Introvision. Donc c'est une technique d'effets spéciaux permettant d'agir sur une image fixe et à manipuler la perspective. En gros, j'explique parce que c'est un peu compliqué. C'est une technique qui permet de voir et un plan rapproché, par exemple avec des rochers, et un plan éloigné en même temps, et on voit un effet de perspective, et d'incruster les personnages entre deux. Mm-hmm. Ce qui donnait en fait un effet de profondeur à l'image. C'était la première fois qu'on utilisait ça dans un film. C'est également dans ce film-là qu'on a utilisé le procédé Megasound de Warner Bros. Donc les théâtres équipés pour Megasound avaient des haut-parleurs supplémentaires montés sur les murs gauche, droit et arrière de l'auditorium, et des bandes sonores sélectionnées avec beaucoup de contenu basse fréquence, donc les sourdines, les crashs, les explosions, etc., étaient alors dirigées vers ces haut-parleurs à très haut volume, créant un effet viscéral destiné à faire vibrer le public. On connaît ça plus maintenant avec le Dolby Surround ou les DTS qui ont été rebaptisés. Mais tous ces trucs-là, à la base, c'était le procédé Megasound de Warner Bros. Après, ils l'ont repris, en fait, c'est ce qu'ils appellent le Sound Surround. Ils mettaient des caissons de basse sous les sièges. Et le premier film, c'était Tora, qui a été fait, où tu entendais boum, les sièges bouger, et tu avais des vibrations sur les sièges quand les bombardiers partaient. Et en gros, ce procédé, donc Megasound, c'est en gros l'ancêtre du son Dolby Surround des DTS qu'on a à l'heure actuelle. Alors, c'était ça, hein? Ouais. Alors, à l'origine, le scénario était censé être un western, mais Peter Iams décida de déplacer le contexte dans l'espace en raison de l'influence d'Alien, le 8e passager qui était sorti 2 ans avant. Le titre original était Io, donc du nom d'une des lunes de Jupiter, mais un dirigeant de la LAD Company, qui a produit le film, persuada Iams de changer de titre en lui montrant une vidéo de gens pris au hasard, qui disaient qu'ils ne comprenaient pas en fait le titre, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils lurent le titre comme le numéro 10 au lieu de lire Io. Ouais. Ah oui, Io. Et enfin, donc, une allusion est faite au James Bond, donc sorti la même année avec Roger Moore, lorsque Sean Connery se connecte à l'ordinateur. Celui-ci lui demande un mot de passe. Sean Connery note alors Only for my eyes, en référence à Only for your eyes de James Bond, rien que pour vos yeux. Ah oui, d'accord. C'est beau. Voilà. Bah bravo, on l'a pas trouvé. Hein. Bah non, là il nous a collé. Ouais, bravo. Ça va, au bout de 3 ans. Là ça m'énerve, j'avais plus le titre. Je t'aurais collé. J'avais plus le titre. Ouais, est-ce que vous l'avez vu, Fabrizio? Ça te parle? Pas du tout, non. Non. Véronique? Non, tu n'as pas vu? Alors, mais il y a vraiment un univers oppressant. Il n'y a pas de monstre ou quoi que ce soit. Mais alors déjà, je trouve que les effets visuels à l'époque étaient vraiment très bien faits. Mm-hmm. Notamment, on voit des têtes qui explosent. Donc, pas mettre devant tous les yeux. Oh, c'est bon ça. Mais je trouve que l'ambiance, rien que l'ambiance sonore, et c'était assez restreint vu que c'est dans une base spatiale. Et je trouve que l'ambiance est assez oppressante quand même. Sans parler plagiat, je sais pas pourquoi, mais quand t'as commencé à me faire entendre la musique, je croyais que c'était un alien. Comme quoi, ambiance alien. C'est ça, ouais. Mais c'est ce qu'il recherchait. Hein. Peter Iams recherchait ça. Il a été vraiment. Il a vraiment beaucoup aimé le film Alien. Non, c'est du Goldsmith, Oui. Bah, c'est toujours le même style de musique, à faut être honnête. Oui. Bah, écoute, bravo. Voilà. Merci. Tous collés, je vous en prie. Écoute, je me sens moins. Alors, quel film irez-vous voir? Ah, c'est pas là. Non, c'est pas celui-là. On va se faire une petite coupure musicale et on va retrouver évidemment Fabrizio Zeva. Justement, on va faire une roulette. Véronique, présidente donc de l'association, donc un rêve, une étoile et tout est possible. Parce que on va parler juste après de ce single qui va sortir d'ici quelques semaines, justement à l'occasion de. Pour l'association, donc un rêve, une étoile, et tout est possible. Alléluia. Alors on va faire une petite roulette song avec Fabrizio, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas. Ah oui, alors il va falloir qu'il chantonne les titres après. Hein. Alors, donc je vais faire défiler les titres, tu me dis stop dès que tu en as envie. Stop. Samantha Barzotti avec le Rital. Pas du tout. Samantha Fox avec Nothing's Gonna Stop Me Now. Super. Ah bah tu peux le chanter ça. Non, mais j'aimais bien. Mais vas-y, chante-le, chante-le. Mais non. Bah si, allez. D'abord, je m'en rappelle plus. Mais... Nothing's Gonna Stop Me Now. Exactement. Ouais. Mais j'aimais bien. Non, mais c'est pas comme ça, c'était comme ça. Ouais, bah. Écoute, je n'ai pas les mêmes attributs. Il y avait une chanson avant qui avait plus marché avant celle-ci, non? Il y avait Touch Me. Touch Me, voilà, c'est la première. Touch Me. qui a été reprise il y a pas très, enfin il y a quelques années avec qui a été repris par par un chanteur qui s'appelle Gunther. Ah oui, en duo avec c'était elle. Fuck me. Non, pas du tout, mais c'est un chanteur c'est qui est complètement décalé. Alors on continue. Stop. Talk Talk avec Such a Shame. Ce sera le deuxième Talk Talk qu'on aura ce soir. Ouais. Allez, bah c'est parti, on s'écoute ça tout de suite. Salut, c'est Thierry Pastor. Retrouvez-moi sur RQC 95 FM. À bientôt. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Anissa ? Tu m'as fait mal. Oui, mais t'es pas obligé de le dire à tout le monde. Ouais. Bah, ils l'ont entendu. Je croyais qu'il avait écouté Michael Jackson. Moi. Ouais. Un peu de retenue, Anissa, quand même. Doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudo Robin Jackson. Alors, nous sommes avec Fabrizio Zeva. Fabrizio. Tu l'as moins bien dit. Ah ben, je l'ai fait exprès. Bah non, mais c'est pas beau. On est avec voilà. Fabrizio Zeva. C'est moi, vendeur, c'est moi. Et c'est vrai. Tu t'es appelé Fabrizio Zeva à l'époque. On m'a appelé. Bah ouais, c'est quand même plus beau, Fabrizio Zeva. Ça fait rêver, ça vend du bonheur. Voilà, t'as vu. Ça vend du soleil, ça vend... Ça ne vend rien encore. Attends. Attends, on en reparlera. Oui, parce qu'on rappelle quand même que pour ton actualité, bientôt va sortir donc ton nouvel album. Mon deuxième album. Deuxième voilà. album. Donc, 20 ans après. Donc là, allez, début 2018, on va voir quand même poindre un nouvel opus. Oh là là. Et oui. Et bien, il y avait Véro, là, ça se dit, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Bon, et nous sommes aussi également donc avec Véro, évidemment, donc présidente de l'association Un rêve, une étoile, et tout est possible. On rappelle qu'il va y avoir donc un super spectacle, repas spectacle, donc le 17 décembre à la salle de la Grange à partir de midi. Alors il y a plusieurs formules, il y a la formule du repas évidemment. Oui, donc tu as la formule repas donc pour adultes 20 euros, pour les enfants 10 euros, et si vous voulez voir le spectacle, uniquement le spectacle, c'est 5 euros. Le repas, donc c'est un repas avec entrée, plat, dessert. Entrée, donc assez de charcuterie italienne. En plat, Rosso buco. Rosso buco à la milanaise. Et tu veux que je t'explique comment on le cuisine, Rosso buco? Oui, tu peux, vas-y. Et tagliatelle et en dessert, tiramisu. Donc, un tiramisu. Et le concert de Mélanie Bonfito et de Fabrizio Zeva, plus grimage pour tous les enfants et le la petite surprise, c'est le Père Noël qui va venir amener des jouets à tous les enfants qui sont là. Sympa. Et alors, est-ce qu'il va y avoir un duo entre Mélanie et Fabrizio? C'est pas prévu, non. Ah ouais? Ah, vous allez nous faire la surprise peut-être, non? Peut-être. Ah oui, besoin de rien, non, de toi. Ah non, ah non, il faut l'italien. Ah oui, il faut l'italien. Sarà perché ti amo. Je sais pas, vraiment. Ah si, ça pourrait le faire, sarà perché ti amo. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de l'ambiance. Ouais. Ça, c'est certain. Et on voudrait vraiment une après-midi où on retrouve tous ces sourires qui manquent actuellement. Absolument. Puis en plus, c'est un bel endroit, il faut le dire. Oui, c'est très, très, très bel endroit. Un très, très bel endroit. Très alors, on rappelle qu'effectivement, l'association organise de nombreux événements, des sorties, des spectacles, des concerts. Et là, il y a un événement aussi qui n'est pas des moindres, puisque c'est la sortie donc, d'un single. Alors, il faut que tu nous en avais parlé hein, déjà de ce projet il y a quelques mois. Maintenant, il y a un an, voilà. Et donc, maintenant, ça y est, il est sorti. Il a est été sorti de gestation. Voilà. Voilà. Et donc, comment ça s'est déjà programmé ce projet? Comment tu as décidé aujourd'hui de faire un single? En fait, on voulait faire une chanson, un hymne entre guillemets pour notre association. Et voilà, on a lancé le projet, on s'est dit ben pourquoi pas faire un collectif genre, je dis bien genre parce que enfoiré. Ouais. Et les Restos du Cœur, non mais voilà, parce que faut pas, ouais. Je veux pas m'assimiler aux Restos du Cœur, j'ai rien. Non. Enfin voilà, je veux dire, non, mais c'est l'idée, pas l'idée le était, même, voilà, l'idée était, voilà, l'idée était là. Et donc il y a Eric Salucci donc qui est un compositeur et Frédéric Dampierre. Ils nous ont demandé un peu ce qu'on désirait. Donc on leur a dit on veut une chanson qui soit positif, même si ce qu'on défend, c'est pas gay, les enfants démunis et malades, c'est pas quelque chose de gay. Pas comme les enfoirés, de toute façon. Mais on voulait on voulait quelque chose de dynamique, et voilà. Et ils nous ont fait là-dessus une musique, et Eric Salucci et Frédéric Dampierre, un texte qui nous a plu, on a trouvé ça super. Bon, après, il fallait que, non seulement comme pour un collectif, il faut plusieurs chanteurs. Donc il fallait réunir les chanteurs. Il fallait que ça soit des chanteurs qui veulent bien poser leur voix. Bénévolement. Bien sûr. Ce qui n'est pas évident. Fallait les réunir au même endroit, au même moment. fallait trouver un studio. Là, on a eu le studio qui nous a été offert gratuitement. Donc voilà. Tout ça s'est fait. Ça a mis un an pour se faire. Ça a encore été vite, quand même. Et oui et non. Enfin, oui, pour nous, c'était long. Pour... Oui, c'est vrai que. C'est ça. Voilà, quand on veut. Enfin, en fait, on veut quelque chose et ça traîne. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était long. Et c'est vrai que quand on entend parler des gens du métier, tout ça, c'est pas forcément long. Parce que, une année pour tout mettre en place, tout ça. Et donc, on a tiré les sonnettes. On a demandé un peu aux chanteurs qui voulaient. Bon, Fabrizio, il a dit de suite sans problème. On a aussi une chanteuse noire de gospel. Ça, c'est via Marjorie. Que tout le monde connaît. Marjorie pose sa voix sur le CD. Ah, ok. On a Funky. Marjorie de Mullier. Oui, Marjorie de Mullier. Funky Unigrace, qui est une chanteuse de gospel noire américaine, qui met sa voix dessus aussi. Il y a Marilyn, faut que j'oublie personne. Il y a Marilyn, qui est Macaluso, qui est une chanteuse de gospel aussi, mais du côté de Liège, qui vient du côté de Liège, qui chante super bien. On a un rocker, donc c'est complètement des univers tout différents. Ouais, ouais. On a un rocker donc qui fait partie du groupe, je crois que vous l'avez déjà reçu, Maury Topless, si je ne me trompe pas. C'est un groupe de rock mochrono. Ça ne parle pas, non, je pense ça s'appelle Cédric. Et c'est Cédric, oui. Cédric, ouais. Le leader, enfin, il n'y a pas de leader dans le groupe, mais le chanteur, quoi. Et donc on a. Julie Blo aussi, qui est une chanteuse qui chante dans une chorale, donc quelqu'un de voilà. On a un jeune garçon autiste de l'Envol. Ah, ah ouais. Oui. Qui est Olivier Poblom, qui chante aussi sur le CD. Vinciane Poteau. Vous connaissez, qui est déjà venu ici. Pour ceux qui sont elle chante. Si, elle chante régulièrement du Piaf et tout ça. Oui, elle chante très super bien. Vinciane a été venue en studio il y a, je sais plus, une des dernières fois où on a fait une interview ensemble. Ah, oui, c'est possible. Si, je me souviens très bien. On a donc aussi Gaëtan Lopez, qui est un chanteur du nord de la France. Il y a du monde, Fabien Le Castel. Et voilà, et cerise sur le gâteau. On n'y croyait vraiment pas. On s'est dit, allez, on va tenter. Fabien Le Castel et Fabien Yadi, direct, go, bingo, moi je veux faire le projet, il n'y a pas de problème. Et il a mis sa voix sur le... Ah, ouais, c'est ça. Et Fantine Ardoin. Fantine, oui. Voilà. C'est bien. Et comment s'intitule le titre? Un rêve, une étoile. Un rêve, une étoile. Alors on peut l'écouter évidemment. Bien sûr. Eh bien on va se l'écouter. Et là, c'est une première. Une exclusivité. C'est une première. Tu nous as mis l'eau à la bouche. On va l'écouter. Un rêve, une étoile. Donc avec le collectif. Vous êtes les premiers à l'entendre. Avec le collectif donc de l'association Un rêve, une étoile et tout est possible. Allez, c'est parti. Nul ne connaît son vrai chemin, ni même ne sait s'il sera sien. Il suffit de peu parfois pour changer ce monde-là. Une force solidaire, un espoir, telle une lumière. Il y a besoin de peu de paroles, de peu de sourires qui consolent. Casser les murs qui séparent, garder l'effet du hasard. Sans pour autant n'attendre rien, faire oublier l'exclusion Comme un soleil qui brille. Excellent. Mais c'est ta voix qu'on entend, Véro, ouais, juste à la fin. Un rêve, une étoile. Super, ouais. Alors, c'est un single que vous allez pouvoir vous procurer d'ici quelques semaines, puisque la sortie est imminente, au courant de début 2018. Ou alors, on voudrait pour les fêtes de fin d'année, mais ça serait l'idéal. Ça serait bien. Ouais, oui, oui, complètement, complètement. Alors, c'est un single qu'on va pouvoir se procurer que en format CD, ou alors on pourra l'avoir sur en téléchargement. Les plateformes de téléchargement. Bah oui, parce que ça fonctionne bien aussi, ça, comme ça. Enfin, sinon, de toute façon, nous aussi, on peut vous le procurer, puisque nous, on l'a. Non, excellent, franchement. Ah oui, non, c'est une belle initiative, avec une belle bande de chanteurs et de comédiens aussi, puisque Fabien n'est pas chanteur. Et d'ailleurs, c'est une belle surprise, hein, parce qu'il a une belle voix. D'ailleurs, on a beaucoup ri en studio, il nous a fait Garou. On aurait pu faire une version juste Fabien, en prenant toutes des voix. Ah, ça aurait été excellent, une version comme ça. Ah ouais, carrément, dans les bonus, c'est donc c'est un deux titres du coup. Il y a la musique, enfin la bande son, et puis on va mettre le. Et celle qui est chantée. Deux titres, celle qui est chantée, voilà. Allez, ça a été enregistré quand il faisait les voix, les différentes voix. Non, c'est dommage. Non. C'était. Ouais. Et après c'est. Non, attends, de toute façon le but, parce que c'est vrai qu'il en parlait à un moment donné. Est-ce que je dois prendre telle voix ou telle voix? Ouais, voilà. Je sais qu'il rigolait par rapport à ça, mais. On voulait vraiment qu'il y ait chaque personnalité et qu'on puisse distinguer chacun de nos personnalités, surtout. Ouais, et c'est ce qui était recherché. Tout comme avec Funky, il y a la note américaine. Ouais, c'est ça, tu sens les... Bon, le rocker, bon, la voix grave. Fortine, sa voix d'enfant. Enfin, voilà. C'est vraiment tout. Le jeune autiste était super content de participer. Il a travaillé beaucoup. Et par contre, il est trop modeste pour le dire, mais... Franchement, un grand coup de chapeau à Fabrizio, parce qu'il a tout géré de main de maître avec le gars du studio. Il a vraiment tout fait. Et c'est un boulot fou, ça. C'était une expérience, pour moi, c'était une grande première aussi. Puis de me retrouver avec 12 chanteurs derrière, c'est aussi... Vous étiez 12 en tout, 13 alors, du coup. 12, qu'on était combien, je ne sais même plus. 10. Voilà, il faut quand même gérer 10 chanteurs. Ouais, mais carrément, avec des voix différentes, et puis des gens qui ne sont pas forcément chanteurs. Enfin, Fabien n'est pas chanteur, Fantine non plus. Et d'autres qui ne sont pas chanteurs. Donc, il a fallu un petit peu bosser. Mais c'était une très belle expérience. Super bien. Après, il faut savoir que le mec, il se retrouve avec 50 pistes. Ah oui, c'est ça. De chaque voix qu'il faut faire une sélection, c'est ça le plus compliqué. Ah oui, j'imagine. C'est de sélectionner les passages. Mais c'était une très belle expérience. Moi, je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour. Et... Est-ce que je voudrais, enfin, je voulais remercier aussi tous les personnes qui ont participé, parce que aussi bien de Fabien Le Castel, en passant par Fantine, en passant par tous ceux qui ont participé sur le CD, personne n'a demandé un centime. Quoi. Ouais, c'est tout du bénévolat. Ils ont tout fait ça avec le cœur, quoi. Donc c'est bien. Et ça se ressent. Ouais. Voilà. Franchement, ça se ressent. C'est super beau. C'est bien. Prends exemple, Nissa. Ah ouais, j'adore. Donc voilà, on espère que les radios vont le diffuser, évidemment. Ah ouais, oui, bah, il faut c'est le quand même pour, les radios, pour une bonne heure. Elle est un petit peu modeste en disant que c'est pas du comment tu disais tout à l'heure, enfoiré. Voilà, mais si ça pourrait être une chanson, peut-être même mieux. Peut-être même mieux, parce qu'il y a certaines chansons des enfoirés. Bon, déjà, les enfoirés, souvent, c'est une reprise. Là, on a encore la chance que c'est pas une reprise. C'est une composition, carrément. Voilà. Alors, on pourra proposer, effectivement, que ça puisse faire partie de la playlist de la radio. Bien sûr. Qui passe, puisque la radio émet 24 heures sur 24, voir avec Rico si on peut effectivement le faire. Je pense qu'il ne serait pas contre, justement, puisque c'est quand même une belle œuvre et c'est pour une bonne cause. Donc, je pense qu'il faut en parler et ça pourrait être une chose. En parlant de bonne cause, Flip 4. Oui. Non, on avait dit de bonne cause. Ouais, c'est ça, Flip 4, je crois. Mais je ne suis pavé que de bonnes intentions. Je sais très bien, et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on t'aime. Merci. Wap, wap, wap. Ah, ça y est, longtemps. Bah, du coup, je vous aime beaucoup, moi, là, soudainement. Je plaisante. Alors, attends, parce que maintenant, il faut que je retrouve. Ça y est. C'est normal. Toute la musique que j'aime. On va peut-être le laisser tranquille, cet homme. Toute la musique que j'aime. Bon, salut en tout cas. Mais ouais, oui, on va un petit peu. Voilà. Alors, j'ai pas donné tout à l'heure, je n'ai pas mentionné de qui ou de quel groupe j'allais parler. Bah oui, justement, c'est une surprise pour nous. Oui, parce que je sais que vous aimez les devinettes. Oui. Hein. Et en fait, je vais revenir, pour une fois, je vais refaire une petite parenthèse, encore une fois, sur les One Hit Wonder. Oui. Hein, si besoin, et je vais vous rappeler ce que c'est. Donc, en fait, rappel pour les auditeurs. Donc, les One Hit Wonder sont des gens qui ont tenté une carrière de chanteur ou au sein d'un groupe, et qui un jour ont cartonné, ont percé avec un tube dans les années 80. Alors, ce sont des gens qui ont pu faire d'autres choses avant, comme après, mais dont on n'a plus entendu parler, alors pour maintes raisons, comme on a pu le vérifier aussi, non pas parce qu'après ils sont devenus mauvais, mais ce sont des gens qui n'ont pas cherché à percer davantage, se sont contentés du seul succès qu'ils ont pu faire. Ce sont aussi des gens qui ont pu faire au moins un album, et le reste de l'album, je veux dire, à part le titre phare, celui qui a cartonné, c'est pas pour autant que le reste des titres de l'album ont fait l'objet d'éditions d'autres singles. Hein, voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle One Hit Wonder. J'avais commencé la saga, on va dire, c'était avec Nena. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Hein, puisqu'on l'avait vu, ben là, d'ailleurs, on va faire un petit parallèle, puisque ben, je vais vous dire, allez, on va jouer à la devinette. Si je passe le premier titre, vous allez me dire le point commun entre ça. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm a taxman. Yeah. Alors ça c'est Taxman, les Beatles. C'est le 7e album, hein, ça fait partie de l'album Revolver qui est sorti donc en 66. Alors je vous ai demandé, vous l'avez reconnu donc, hein, les Beatles. Et maintenant, là, de toute façon, on n'a pas le droit à l'erreur, ce titre-là, il y a un point commun, un homme en fait. Alors évidemment, là, vous n'avez pas reconnu. Non. On va peut-être, à ce moment-là, embrayer avec le morceau suivant. Et vous allez voir, là, sans aucun doute, vous allez reconnaître qui c'est. On va l'écouter, surtout. Ouais. Oula. Grant. Voilà. C'est Trio. Ah, Trio, oui. qui était un groupe allemand. Et alors, c'est quoi le point commun? J'ai pas compris, là. Ouais. Entre les deux, il y a un homme, en fait, ouais, qui s'appelait, hein, puisqu'il est décédé, Klaus Voormann. Et Klaus Voormann, en fait, était un ami intime des Beatles, hein, oui, qui l'accompagnait, hein, donc, quasiment tout au long de leur carrière. Et non seulement juste accompagné, il était bassiste aussi, puisqu'il a joué au sein du groupe de Lennon et Yoko Ono, puisque le groupe s'appelait Plastic Ono Band. Ouais. Hein, donc en tant que bassiste, il a fait quelques sessions pour les Beatles en tant que bassiste. Mais surtout, c'est lui qui a illustré la pochette du 7e album Revolver en 66 des Beatles. D'accord. Et le point commun donc avec le groupe trio qu'on vient d'entendre, puisque vous avez reconnu le titre Dadada, oui, en fait c'est tout simplement parce que en 79 il est revenu, originaire de Berlin, hein, mm-hmm, il est revenu en Allemagne et il a décidé de produire des groupes. Et un jour, il est tombé sur ce groupe, groupe allemand du début des années 60, 80, pardon, puisque ils ont commencé en 79, qu'il a découvert dans une boîte de nuit, tout simplement. Un groupe très minimaliste, hein, parce que, en fait, ça aurait fait plaisir à notre ami Canon. Il est fait mention de même du clavier qui est utilisé dans, dans un Moog. Un Moog. Alors non, justement, c'est un Casio VL11. Ah, oui, mais j'avais reconnu à la fin. Oui, voilà. Bon, une nuance près, c'était presque ça, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça le point commun. Alors en fait, pour faire un petit résumé, donc ça le trio, donc le groupe allemand d'origine berlinoise, faisait partie donc à l'époque, hein, c'était le titre qui avait été donné en Allemagne, ce qu'on appelait la mouvance Neue Deutsche Welle, ce qui veut dire la nouvelle vague allemande. Ah ouais. Voilà. Mmh. Hein, et c'est vrai que ce titre avait cartonné, c'était Da Da Da. Ah ouais. Qui veut dire quoi alors? En fait, c'est oui, oui, oui, oui. Mais le titre complet, c'est... En allemand, c'est pas en allemand. En allemand, bien sûr. Bon, si, parce que ça se dit... Ah, ça se dit en allemand, ça. Ja, ja, pour oui. Et da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ce qui veut dire, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ah, d'accord. Voilà. Je préfère le dire en français. Hein. Et ça, c'était sorti en 82, et puis, inutile de vous dire que ça avait cartonné. Quoi. Ah, il y avait même une version de Nestor. Oui, exact. Nestor, je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Il y avait la version de Nestor. Oh là là. Donc cet homme était né en avril 38 à Berlin, hein, Klaus Voormann, donc comme j'avais dit, bassiste et illustrateur. Donc voilà le point commun, tout simplement. Et j'avais entendu ça à la radio, c'était assez marrant de trouver des... Ah oui, carrément, il faut le savoir en plus. Hein. Donc, ouais, voilà, voilà. Alors le groupe n'a pas fait grand-chose, hein, ils ont fait d'autres titres. Je l'ai fait un petit peu à l'envers, parce que je ne voulais pas vous mettre trop vite sur la piste. Le titre que je vous ai passé tout à l'heure en allemand, c'est Alte mich fest, ich werde verrückt. D'accord. Ah, ouais. Ce qui veut dire retenez-moi, je deviens fou. D'accord. Mais ça, on le savait déjà. Hein. Ouais. Et ça, c'était, on comprend aisément, distribué uniquement en Allemagne à l'époque. Ben oui, parce que c'est le mal. Ouais, tu m'étonnes. C'est quand même assez particulier. C'est vrai. Ouais. Alors, dans la liste, évidemment, j'ai pas tout listé, hein, dans les singles qui sont sortis et qui n'ont eu que du succès en Allemagne, à part ce titre-là, hein, il y avait Anna, Lassen mich rein, lass mich raus. C'est joli, hein, c'est très... incroyablement. Schon sprachige. Et Boom Boom. Donc, ah, voilà. Boom Boom, c'est facile. Oh, ça cartonnait. Boom Boom, da da da da. Après, il y a eu... entre autres. Après, il y a eu Ottagenkestadt. Ouais, Ottagenkestadt. Et Bestagenkestadt en face B. C'est ça. Voilà. Non, en face B, c'était Mikulikov. Ça, c'est du russe, putain. Ouais, ça, c'est russe. Ouais, faut pas tout mélanger, attention. Donc, en fait, le groupe a une carrière relativement courte, puisque le groupe a splitté en 86. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fondateur guitariste Gert... Ah, c'est un allemand, hein, donc joli prénom, Gert Kral Krawinkel. Il est décédé à tes souhaits. Ouais. Il est décédé le 16 février 2014 à l'âge de 67 ans. Ah bah. Voilà. Et plus de Gert. Auf Wiedersehen, Gert. Ah ouais. Dommage. Non. Et bien voilà. Ah bah. Écoute, chapeau pour ça. Mais c'est une langue. Enfin, Je trouve ça pas beau, en fait, l'allemand, c'est... Ça accroche fort. Après, désolé s'il y a des germanophiles qui écoutent, ouais, mais je trouve ça pas beau. Toute une flopée de tubes, hein, dans ces années. Oui. Il y avait des Commissars de Falco, oui, par exemple. Ah, le Sklar, Commissars. Il n'y avait pas les confettis aussi, c'est pas eux. Ah, confettis, c'était belge. Ils étaient belges, oui. Ils étaient de Gand, même, donc... Ok. Il y a eu plusieurs artistes allemands. Il y en a un que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom, et qui fait des reprises de succès des années de 80 jusqu'à aujourd'hui, avec une voix assez nasillarde. Max Rabe. Ah, d'accord. Hein, Ah, bah. Ah, ah on l'entend souvent. Mais arrêtez, dites donc. Dites donc. Mais si, on l'entend souvent. Je demande de vous taire. Non, ouais. Sérieusement, mais bon, regardez sur internet Max Rab. C'est quoi Max Rab. Ah, pardon. Max Rab. Et il chante quoi, Max Rab, là? Ben, il chante des reprises. Il fait des reprises. Il fait des reprises. Ah, bah, il y en a une qui est très très connue. Ils en ont fait une publicité. C'est lui qui avait repris la chanson de Britney Spears. I did it again. Et ça fait, il a fait un peu une voix générale. Oui, exact. Oups, I did it again. Voilà, bah, c'est lui. Dream a little dream. Oui, mais il a fait plein de trucs. Hein, et c'est aussi un boss. Ça m'étonne pas qu'il y a que toi qui... Un allemand, s'il te plaît. C'est pareil. Un germanophone. C'est pareil. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est sérieux, Nissa. Enfin... Ça y est, bon. Elle est partie. Bon, eh ben, on va continuer en musique et on va retrouver après les sorties cinéma évidemment de notre ami Sherlock. Oui, bien sûr. Alors attends, parce que là, de cette là, je dois rechercher les titres que j'avais préparés juste avant. Il n'y a pas celui-là. Et la phase B, c'est en anglais, yes, yes, yes. Ouais. I don't love you, don't love me. Si, si, et en si. Italien, ça ferait quoi alors? Si, si, si. Si, si. Tu viens de le faire. Et tu devrais y penser, non? Pourquoi pas? Macchina, macchina, si, si, si. Mais l'italien, c'est une belle langue, je trouve. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Ah, ouais, C'est ouais. C'est une langue qui se prête beaucoup aux chansons d'amour, malgré voilà. Tout. Il faut le dire. Si, c'est vrai. Non, mais faut être honnête, Fabrizio. C'est pas vrai? Que l'allemand, une chanson d'amour. Bon, ouais, forcément, quand c'est Onissa qui chante, on n'y croit pas trop. Tu t'appelles la chanson de Camilo? On dit, je crois que donc, Varum. Varum. Ah, ah oui, d'accord. Oui. Ah, oui, oui. C'était... Pendant ça, ça cartonnait c'est à l'époque. Vous n'avez pas une coupure musicale là Zach Varum. Vous n'avez pas quoi, pardon, plaît-il? Oui, donc une coupure musicale. On va enchaîner tout de suite avec The Police et Don't Stand So Close to Me. Ah voilà. Et ensuite, on reviendra avec Wet, Wet, Wet et Angel Eyes. Encore avec tes Duran Duran, Wet, Wet, Wet. Et attention, ça n'a pas été enregistré à Baden Baden. Hein, je tiens à préciser. Ni à Bora Bora. Et d'ailleurs, Wet, Wet, Wet, ça veut bien dire mouille, mouille, mouille. C'est ça. Mouillé, mouillé, mouillé. Mouillé, mouillé, mouillé. Comme ça, normalement. Allez, c'est parti. night you came away. So now I'm gonna take that all that I can get. With those angel eyes you make sense, you sense all the time. Say I'm gonna stay home and away. Well, when I said I'd catch you when you're falling, I'd have my whooping red. And who's not naive? Set that I'm in my heart. Et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. J'ai tout mangé le chocolat. Et bien donc vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, évidemment comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Et on salue, on bise nos amis Béa, Véro et Fabrizio Zeva hein, qui font partie évidemment donc, enfin en tout cas Véro qui est la présidente donc de l'association un rêve, une étoile et tout est possible. Nous avons pour l'occasion reçu juste à l'instant Fabrizio Zeva qui va se produire donc le 17 décembre avec Mélanie Bonfito et donc ce sera à partir de midi donc le 17 décembre à la salle Lagrange donc à Moucron pour un repas spectacle qui s'intitule Noël à Venise avec de la chanson italienne mais pas que puisque il nous a dit qu'effectivement il y allait avoir quelques autres chansons peut-être anglophones avec beaucoup de surprises. Il y aura aussi du grimage, il y aura pour les enfants et la venue visite du Père Noël. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, eh bien vous allez sur la page Facebook de l'association. Alors vous tapez aussi Noël à Venise, vous allez retrouver. On partagera aussi l'événement sur l'émission, sur la page Facebook de l'émission, donc 80 à l'heure. Donc je vous le rappelle, c'est le 17 décembre 2017, donc dès midi, donc à la salle Lagrange, 133 rue de la Vellerie. Voilà qui est dit et on les remercie. Il y a un prix démocratique hein, quand même. Oui, avec un bon repas avec une entrée donc charcuterie italienne, ouais. Ensuite osso buco et on termine avec des tagliatelles et puis tiramisu. Voilà, et la cerise sur le gâteau, Fabrizio Zeva et Mélanie Bonfito qui se produiront donc en direct live et bien évidemment. Donc ça se passe à Lagrange. Super. Il va aussi se produire en direct dans l'émission, puisqu'il va nous parler de Cinoche. C'est parti. On voit ça. Oh bien. Pardon, R2. Oh, je sens qu'il te faut quelques petites réparations. Quoi? On m'attend pour la chronique ciné. C'est parti. Alors, faut dire à nos amis auditeurs, la traduction, c'est pas tout à fait ça. Il y a une gestuelle derrière tout ça. J'ose même pas vous la traduire. Non, ça va, t'as déjà bien traduit pour ce soir. Ouais, bon, là, tu vas retenir. Et oui, effectivement. Il est passé 10h. Donc, je vais vous parler des sorties ciné. Je vais vous parler des sorties ciné donc pour demain, le 22 novembre. Et je vais commencer avec la Belgique. Il y a un seul titre qui m'a... Je vais dire que j'ai retenu, c'est Very Bad Dads 2 avec Mark Wahlberg, Will Ferrell et Mel Gibson. C'est un film de Sean Anders. Ouais. Oh. Alors c'est Dusty et Brad. Alors je vous explique vite fait le premier. En gros, Will Ferrell, donc un acteur comique américain qu'on connaît assez peu ici en France et en Belgique. On connaît du parc en fait. Si, il est très très connu aux États-Unis. Il fait un carton là-bas. Alors le truc c'est que en fait lui est marié donc avec une femme, je sais plus qui dans le film. Pas connu non plus. Il est déjà marié avec une femme, c'est John Bolton. Ouais. Il peut être marié avec un homme, hein, on ne sait jamais. Oui, tout à fait. Et donc il y a Mark Wahlberg donc qui est l'ex-mari de cette femme qui revient, les enfants donc l'adulte vu que c'est leur père. Mm-hmm. Et en gros Will Ferrell passe pour le dernier des losers par rapport à lui. Mark Wahlberg, c'est le top du top, il est musclé, il est beau, il fait de la moto, c'est un look de rocker, tu vois. Ah. Voilà, tout Flip 4. À part que Mark Wahlberg est beau, il est musclé. Ouais, voilà. Ouais, mais là c'est de la façade quoi, une apparence voilà. Rocker, c'est peut-être. Et donc voilà, faut creuser en dessous. Ouais, voilà. Faut gratter la croûte pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc là on suit effectivement donc Dusty et Brad, donc les deux, donc Mark Wahlberg et Will Ferrell, et donc qui unissent maintenant leurs forces pour donner le meilleur Noël possible aux enfants. Mais un jour leur propre père débarque, un gros macho et un hyper émotif, et les vacances se transforment en véritable chaos. Donc effectivement, Mel Gibson va jouer le gros macho. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Mel Gibson. Ouais. Ouais, moi non plus, justement, je me demandais ce qu'il devenait. Il a joué dans un film il y a pas très longtemps, c'est Bloodfather, il me semble. Ah oui. Ouais. Un film d'action. Ça me parle, le titre Bloodfather. Ouais. Ça me dit rien. Puisqu'on l'a pas revu dans le Mad Max 4, en fait. Hein. Non, c'est vrai. Alors ensuite je passe aux sorties France avec, alors ça va peut-être parler aux personnes qui aiment les années 80 autour de cette table, Mazinger Z. Oula, non. Alors Mazinger Z c'était l'un des robots qu'on pouvait apercevoir quelques fois dans Goldorak. C'est un film de Junji Shimizu. On n'a pas de date. Ah oui, bah désolé, c'est un film d'animation japonais. Donc on n'a pas de date pour la Belgique. Donc ça, 10 ans ont passé depuis que Koji Kabuton, donc Alcor, dans Goldorak. Ah ouais, Alcor, j'allais dire, ouais, c'est ça, je me dis, ça me parle. Donc, ça. Aux commandes du super robot Mazinger Z, créé par son grand-père, a ramené la paix en combattant l'Empire des Ténèbres et le maléfique Docteur L. Aujourd'hui, donc, Alcor n'est plus pilote, il a pris le chemin de son père et grand-père en devenant scientifique. À l'occasion... C'est Goldorak, ça? Bah, Alcor fait partie de l'univers de Goldorak. Ah ouais, c'est ça, bah oui, carrément. Mais avant Goldorak, qui s'appelle au Japon UFO Robo Grandizer. Et nous, ce on a quand même ce fort, côté un peu. On simplifie un peu les choses, ouais. Goldorak, voilà. Ouais, voilà, qui n'a rien à voir. Oui, bah non, carrément pas, non. Voilà. Et donc, Alcor fait donc partie de cet Alcor, univers, ouais. Mais il appartenait avant à la série Mazinger Z. Ah ouais. Et donc. Alcor, donc, à l'occasion de ses recherches, découvre une structure gigantesque profondément enterrée sous le mont Fuji. Il détecte de mystérieux signes de vie, il s'ensuit de nouvelles rencontres, de nouvelles menaces et bientôt un nouveau destin pour l'humanité. Alcor doit prendre une décision pour l'avenir, dieu ou démon, il faut choisir. Une nouvelle fois, c'est à Mazinger Z que revient la lourde charge de sauver le monde. Ah oui. Donc on est dans l'univers, ouais, c'est l'univers parce que c'est un univers étendu, hein, Goldorak, avec donc les robots géants. Ensuite, comment il s'appelait le robot donc ? Alors le robot s'appelle Mazinger Z. Mazinger Z, il s'est marié récemment, non ? Non. Qu'est-ce qu'il fait, le robot mari ? Non, tu peux fatiguer du tout. Non, il se réveille, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, ouais. Coupe plus son micro. Alors, et je vais finir avec l'expérience interdite. Oh là là. Flatliners. Oh non, Achille. Avec Ellen Page, Diego Luna et Nina Dobrev. Alors, Nina Dobrev, pour ceux qui connaissent la série Vampire Diaries, c'est l'héroïne de la série. Mais Ellen Page, la vieille. Non, la jeune. Ah, pardon. Alors, et c'est un film de Nils Arden Oplev. Oplev. Ça sort également en Belgique demain. Alors, donc, pour découvrir ce qui se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente. En poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, les phénomènes paranormaux liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Oh. Alors c'est un remake d'un film des années 90. Bah oui, avec Julia Roberts. Ouais, un des frères Sutherland, je crois. Ouais, ça de doit mémoire. Être Kiefer Sutherland, je crois. Ouais, je sais plus. Mais ouais. Bon, attention, quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai senti tout de suite, quoi. Ouais, mais c'est clairement assumé. Hein. Ouais. De toute façon, le scénario est le même. Et comment donc, ça s'appelle Ça s'appelle L'expérience interdite, donc comme. Oui. Flatliners. Sur le NDE, c'est bien ça. Donc Flatliners, c'est pour l'encéphalogramme ouais, plat. Oui, ça, ouais, voilà. Voilà. D'accord. Et alors, c'est un sujet très sérieux en plus. Hein. C'est ce qu'ils appellent aux States les NDE, les Near Dear Experience. Ouais, c'est les ça. Les gens qui sont happés par ce tunnel et qui reviennent. C'est ça. Et donc là, ils vont faire donc des expériences pour voir ce qui se passe juste après la mort. C'est ce que me dit ma crotte aussi de temps en temps quand elle est happée par le tunnel. Oh, Dieu. Ouais, mais elle remonte. Elle te raconte pas, elle. Et elle revient jamais. Ouais, voilà, bon. T'imagines ou si des fois elle revient, mais bon, j'ai eu ta vanne et plouf, ouais. C'est tombé à l'eau. Oh non. Alors, vous iriez voir quoi alors? Expérience interdite. Ah ouais? Ah ouais, moi le remake qui me fait peur, mais Flip 4? Bah, les deux me plaisent bien pour une fois. Ah ouais? C'est tout rien qu'au fait. Ah, bah, de quoi oui, les deux te plaisent bien? Le premier film est. Very Bad Dad? Le premier là, avec Mel Gibson? Avec le robot? Ah, Mazinger Z. Ouais, c'est le deuxième. C'est un film d'animation, hein. C'est un dessin ouais, animé. Ouais, non, mais même, oui, ça me plaît bien, mais alors celui-là, oui. D'accord. Le remake, oui. Pourquoi pas. Encore mieux. Il y en a eu pas mal à un moment donné, de remake. Ouais, il y en a encore maintenant, bah, bien sûr. Mais la guerre des mondes. On en parle moins. Qui était très bien fait d'ailleurs, la guerre des mondes. Mieux fait. Et le jour où la Terre s'arrêta aussi, le remake est très bien. Ah, je connais pas du tout. Ah, superbe. Pourtant, c'est un vieux film. La guerre des mondes, c'est 54. Ah oui, c'est ça. Oui. Le remake est très bien. Et puis l'autre, le jour de la Terre s'arrêta, c'est pareil, c'est un vieux film de SF des années 50, quand tu vois le remake, il est pas mal, honnêtement. Ah ouais. Je reste assez critique, c'est pas parce que je suis amateur du genre que tout ce qui peut se faire en remake est forcément bon, quoi. Par contre, on en avait parlé, Poltergeist. Ouais, le dernier est pourri. Jamais bondi de mon siège. Oui. Le dernier est pourri. Pas mal, hein, mais. Celui des années 80 était mieux. Oui. Alors que les effets spéciaux étaient moins bien, forcément. Oui. Mais on était plus dans le film et on était. Ouais, on était plus pris dans le film. Je sais pas, il y avait un truc en plus, quoi. Qu'ils n'ont pas réussi à retranscrire avec. Et ça sort quand donc ça sort demain. Mais c'est en Belgique. Super. Demain, ouais, alors. Non, l'expérience interdite, c'est en France. Et en Belgique. Et en Belgique. Ah ouais. C'est ça. Ah, bon. Et donc bien, au Forever, alors aussi. Oui, bien sûr, tu peux le retrouver au Forever. Eh bien, moi, j'y suis allé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été au cinéma. Je suis allé voir Jigsaw. Ah, alors. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu l'as vu? Non, pas du tout. D'accord. Bah, écoute. Il n'y a pas de surprise, évidemment, parce que tout a été fait. Les scènes gore, bon, il n'y a rien de plus gore que. On peut pas aller plus loin, enfin, sincèrement. Les 7 premiers épisodes. 8, je crois. Non, ouais, 7. Là, c'est le 8ème. C'est le 8ème. Donc, les 7 premiers épisodes, si vous les avez vus, on peut pas faire plus gore. Enfin, oui, c'est gore. C'est extrêmement gore. Le 6, c'était une boucherie. Hein? Le 6, c'était une boucherie. Ouais, saucisse. Le suivant, il pue. Hein, ouais, saucette, ouais. Mais, sincèrement, au niveau des scènes gore, ça tient ses promesses. Si vous aimez le gore, ouais, vous allez être content. Mais, ceci dit, par rapport aux épisodes précédents, il n'y a rien qui soit, enfin, voilà. C'est, y a, au niveau de la créativité, d'originalité, bon, vous savez qu'à chaque fois, ils se sont tués avec des, avec des pièges. Des pièges, voilà. Bon, après, c'est un peu tiré par les cheveux, évidemment. Ça reste du Saw, quoi. Ceci dit, le rebondissement est assez sympa. Il est assez sympa. C'est ce que j'attendais, en fait. Savoir comment ça allait rebondir. Et là, bon, il y a quand même une réelle surprise. On se dit, ah, ouais, quand même. Il y a quand même de l'originalité. Mais il faut aimer le genre. Ouais, non. Ils ont mis 10 ans, je crois, pour le sortir, celui-là, quand même. Donc. Ah, non. Non, le 7, il date pas d'il y a 10 ans. Hein. Oh. Non, tout de même pas. Non. Mais le temps passe vite. Oui, peut-être, mais non. Le 6 date au moins d'il y a 10 ans. Ah ouais, bah oui, mais c'est pas le 7. Donc entre les deux, il y avait le 7. Ouais, mais. Peut-être. Ouais, le 7, il y a au moins 5 ans, facile. Ouais, bah peut-être, je sais pas. Il a déjà réduit une moitié, dis. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un lustre au moins. Oui, c'est ça, absolument. voilà. Et j'ai une autre question à vous poser, tiens. Oui. C'est quoi cette histoire de ce Black Friday, là, d'où ça sort? Un vendredi noir, oui. Ah, c'est un truc américain. Hein. Ouais, d'accord. Oui, c'est quoi? Alors expliquez-moi, les gars, j'ai rien compris. Bah, le Black Friday, c'est. Ça booste les ventes. Tous les magasins. Ouais, d'accord. C'est un peu comme une superstition à la base, quoi, en fait. Ouais. Le vendredi noir, puisque on se souvient du jeudi noir, mais pas du vendredi. Du jeudi noir, oui. Ouais. Mais non. C'est plus une histoire de superstition, en fait. En fait, le Black Friday, c'est un jour dans l'année qui est proche de Noël, où les gens, apparemment, ont la fièvre acheteuse et ils achètent à ce moment-là. Ah bon? Enfin, c'est aux États-Unis que ça a commencé. Oui, ils se sont rendus compte que la veille de Noël, peut-être. Que c'est ça. Le Black Friday, c'était semaine dernière. Hein. Non, c'est ce week-end. Non, c'est ce vendredi. Il y a eu des opérations qui étaient. Mais oui, ouais, mais forcément. Ça devient ridicule parce que moi, j'entends. Ça, tu vois, je pensais que c'était déjà vendredi dernier. Parce que normalement, c'est vendredi, c'est ce week-end. Hein. Ça devient ridicule. J'entends à la radio régulièrement des pubs où ils disent toute cette semaine de lundi à dimanche, c'est le Black Friday. Hein? J'ai pas compris. Ouais, non, d'accord. Ouais. Non, mais voilà. À la base, c'était juste un vendredi. C'est comme. Je pense que c'est un jour en septembre ou en octobre. C'est le jour le plus dépressif de l'année. Le mardi, certainement. Non, pas forcément. Non, mais on est là. Non, mais il y a une date où les gens sont plus déprimés que d'habitude dans l'année. 29 février Non, c'est en septembre ou octobre. Date, hein, c'est septembre ou octobre, il y a un jour en septembre ou octobre où ça a été scientifiquement. Les mecs ont fait des études là-dessus, voilà, les gens sont plus déprimés ce jour-là. Ah, ouais. Et là, en fait, ils ont fait des études marketing, forcément, et ils se sont rendus compte que les achats de Noël, les gens l'étalaient sur une longue période juste avant Noël, donc en novembre et décembre. Oui. Mais il y a eu un pic d'achat qui est le Black Friday. Et donc, bah, c'est là où les gens ont le plus acheté. Ils ont appelé ça le Black Friday. Et de ce fait-là, ils font des soldes à ce moment-là. Les soldes et les magasins font des nocturnes. Et enfin, mais tout, toi, là où je disais qu'on en vient à un phénomène de, un peu de superstition aussi, c'est que conjointement à ça, il y a une crainte. Hein, ils en ont parlé il y a deux jours de ça. Puisqu'il parle d'une... Non, ça n'a rien à voir avec les achats, les impulsions d'achat. Ça, c'est... Non, mais il parle de, sérieusement d'une cyberattaque à l'échelle mondiale. Et c'est un peu la crainte conjointement, justement, au Black Friday. Parce que ce sera le jour où les gens vont faire... Il y aura le plus de le cartes plus bleues qui vont fumer. Le plus d'opérations, voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, bon. Ouais, d'accord. La crainte c'est du marketing, quoi. Oui, c'est fait. Ça. C'est pour vendre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, non, mais s'ils avaient respecté encore que ce jour-là, tu vois, tu dis, bon, bah, allez... C'est, ça se généralise, mais là, pas, ça tombe en semaine, en 15 heures. Bah c'est le problème, ils partent toujours d'une étude et puis ils disent « Ah bah ouais, bon, on va faire une semaine complète. » Bah voilà. Ouais, mais c'est plus le Black Friday alors. Ah non, mais c'est la Black Week. Nous, petit bouton, on suit le mouvement et puis c'est « Ah, voilà. Black Friday, super. Ouais. » Okay. Non, moi je vais pas dans les magasins quand il y a plein de monde. Bah non, tu travailles. Ouais, moi je suis derrière. Okay, c'est... Bah oui. Bon, bah ok, bah écoute, merci pour nous avoir éclairé nos lanternes et merci bien sûr pour les sorties Cinoche. Bonjour, on va faire une petite coupure musicale. Oui, bien sûr. Ah, j'ai bien envie de faire une roulette song. Bah vas-y. Stop. Haha. Denise Twist avec Tu dis que tu l'aimes. Ah, ça j'aime bien. Ah, ça, et moi aussi j'en veux une alors. T'en veux une quoi? Stop. France Gall avec Résiste. Encore? Bah ouais, désolé. Ah ouais, elle était déjà passée celle-là. Hein. C'est vrai, j'ai mis, mais je crois que je l'ai mis la semaine dernière. Non, c'était des branches peut-être, la chanson de Claude François. Non Hong Kong Syndicate avec Too Much. Tu l'as déjà passée aussi. C'est vrai? Ouais, regarde, confirmation. Bon, allez, une autre. Mais si, Non, c'est pas vrai. C'est quoi? Vas-y. On a eu à la queue le là, c'est Gigi Lionel avec la danse des canards. Ouais, <d'accord> Là, il est moucro noir. Oui, bah, soyons oui, fiers, soyons fiers du patrimoine. Ah, ce soir, c'est Farandole à gogo. Hein. Ah ouais, carrément. Tout le monde s'éclate. Allez, bah, c'est parti. Donc avec Denise Twist, Tu dis que tu l'aimes, et Gigi Lionel. Tu quoi? Avec Tu dis que tu l'aimes. Ah, j'ai eu peur, j'ai failli comprendre. Enfin, bah, non, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as compris encore? Rien du tout. Je ne le dirai pas longtemps. Tu le diras. Voilà, c'est ça. Et donc Gigi Lionel avec la danse des canards. C'est la danse des canards. Elle me suit, partout où je suis. Elle me regarde, mon chat en main. Elle est partout, partout où je suis. Partout où je suis. Elle te suit, partout dans ta tête. Et toi, tu te laisses prendre à ton jeu. On ne pense pas que la vie. Oh, oui. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des pifous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Tournez seul à fête, bras dessus, dessous, comme des girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards ont dansé ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Coin, coin, coin, coin. Il suffit de fermer son bec en mettant ses plumes au sec. Liez les genoux, c'est bien. Et faites coin, coin. Ça y est, vous avez compris. Attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des coin, coin. Tournez seul à fête. Bras dessus. C'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terribilos comme tout, c'est dingue, c'est tout. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Tournez seul à fête, bras dessus, dessous, comme des girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard car la danse des canards c'est le tube de demain. Coin coin coin coin. Yeah. Bienvenue sur Radio Campus. Quelle honte, mais quelle honte, je te jure. Mais en tout cas, ça fait plaisir à certains de nos auditeurs. Il y a Nathalie qui est en train de se trémousser sur, qui s'est trémoussée sur la danse des canards. Je sais qu'elle adore et qu'elle s'éclate sur le dance floor en écoutant la danse des canards. Ben, c'est bien. Mais ça fait partie du patrimoine parce que ben voilà, et Gigi Lionel et Moucronois. Voilà. Il a été produit par par De Kukeler quand même. C'est la même production que Patrick Hernandez, blague à part. Mais c'est vrai, hein, Patrick Hernandez et les Chocolates aussi. Brasilia Carnaval, oui, vous vous rappelez. Et ouais, puis il y a eu d'autres succès aussi, le Crazy Horse. Mm-hmm. Avec Alain Delorme, que vous connaissez peut-être, et Johnny Faustier, entre autres, qui ont été produits par la même boîte. Voilà. Et bien, il nous reste quelques minutes, le temps peut-être de rappeler que il y a effectivement donc le repas concert. Bah tiens, tu vas le faire, tiens, Onissa, tu le fais très bien. Ouais. Non. Il y a le repas concert Noël à Venise avec Fabrice Joseva. Et Mélanie Bonfirto, Mehdi. Quoi? Mais non, c'est toi qui fais du bruit. Oui, c'est parce qu'il m'a coupé mon casque. Ah d'accord. Voilà. Donc le repas... Alors donc non, je n'avais pas coupé ton casque, c'est juste que je fais des pré-écoutes et le bouton de pré-écoute était mis sur tout le monde. Donc en fait, t'aurais entendu la musique que j'ai écoutée. Donc le repas, si tu veux, c'est un prix démocratique quand même. C'est 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. Il faut savoir qu'il y a le repas avec le spectacle et il y a possibilité de regarder que le spectacle au prix de 5 €. Ben non, mais c'est démocratique, il faut le faire, c'est pour une belle association. C'est vrai. Pas gentil avec moi. Non, si, ouais, tu peux, enfin... Je te dis que non. Ma petite Onissa. Ah. T'as mis ton peignoir aujourd'hui? Ouais. Ah, bah t'es j'adore toute belle comme mon ça. Peignoir. Non, mais ta sortie de bain est vraiment saillante. T'es en noir, là, t'as bien... Tout en noir, hein, on dirait la veuve Coudert. Oui, j'en ai une belle en rose aussi, en soie, avec des plumes. Tu t'es déjà habillée pour Johnny? Ah, laisse-le, moi j'aime bien Johnny, moi. Ouais, Johnny, tu as fait un petit coucou en passant. Ouais, à que coucou bon, Johnny. Oui, donc tu as raison de parler donc, du 17 décembre qui aura lieu à La Grange. Oui, donc vas-y. À Moucron, à partir de midi. Moi, j'ai pas besoin de lire. Hein. Voilà, c'est tout avec Fabrizio Zeva et Mélanie Bonfito qui seront sur scène. Et puis, bah, vous pourrez profiter soit du repas, et ça, je vous le conseille, plus du spectacle pour 20 euros, ou alors vous venez voir que le spectacle, c'est 5 euros, et c'est à partir de 15 heures, et pour les enfants, ou c'est alors 10 euros. On peut aller juste pour le repas aussi. Non, c'est pas cool. C'est que non, l'enfoiré. Ah non, tu ça, t'aurais pas osé le dire quand ils étaient là. Hein. Ouais, ouais, ouais, je te jure, c'est... j'étais à deux doigts de le dire tout à l'heure. Ouais, il aurait pris avec humour. Je suis pas sûr. Mais je voulais pas couper la parole tout à l'heure, mais je voulais le dire. Si, ouais, franchement. Je voyais ça démanger, je te promets. Tu l'as vu, ouais. Bah ouais, voilà. Ça aurait été salaud que tu dises, Fabrizio, tu montes à quelle heure sur scène? C'est pour savoir à quelle heure on termine le repas et qu'on s'en aille. Bah ça tombe bien, il y a le roast beef mocha. Chez la belle-mère, faut qu'il y aille. Non, ah, il y a aussi un autre événement. On devait recevoir justement pour l'occasion la semaine dernière toutes les candidates à l'élection de Miss Waterloo. Pour des raisons d'agenda, c'était, ouais, compliqué. C'était un peu compliqué. Ouais. Mais je vous rappelle que ce samedi soir va avoir l'élection donc de Miss Waterloo. Ah, c'est déjà samedi soir. Eh oui, samedi soir. Ah, c'est bien, voilà, de le rappeler quand même. Ouais. Au CSE à Waterloo, c'est 10 euros l'entrée. Et puis bah, vous aurez l'occasion de voir qui va découronner Anaïs, qui est Miss Waterloo donc 2017, et ses dauphines, je ne sais pas si vous vous rappelez des dauphines. Oui, alors donc, Johanna et Laureline, je crois, c'est ça. C'est pas Ameline? Et Ameline, voilà. Ameline. Voilà, ouais. Oui, absolument. Et donc, voilà. Donc, si, et tu présentes? Et je présente avec mon ami Denis. Comme donc, l'année passée. Oui. Oui, l'année passée aussi, tu l'as fait. Et oui, ça va être sympa. C'est assez sympa avec... Ah, j'aurais bien aimé le faire aussi. Ouais. Maintenant que j'ai mis un pied dedans, tu vois. Je sais bien. Peut-être qu'avec le temps... Pourquoi pas. Tu peux déjà te présenter à Super Mec, si tu veux. Ouais, ou pas. Merci, Super Daddy, yeah. Bon, et ben avec la voix de Casimir. Sur ces belles paroles, ben, il va falloir que nous nous quittions. Et oui, malheureusement. Ben oui, parce qu'il est plus de 22h30. C'est vrai. Une fois, on respecte les horaires. Absolument. Donc on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et donc, pas l'actualité pour la semaine prochaine? Si, à l'émission. Mais non, mais parfois tu nous donnes les infos comme ça. Oui, non, bah, la semaine prochaine, rien de spécial, je pense. En tout cas. Pas d'invité de prévu pour l'instant. Pour l'instant. Nouvelle, non, pour l'instant, parce non. Parce que tout est toujours en mouvement ici et ça peut changer jusqu'au dernier moment. Jaune, absolument. On est au taquet, au taquet. Mais on aura une chronique la semaine prochaine, Anissa? Bah non, apparemment, on a décidé d'en faire une tous les 15 jours. On va essayer. Alors, Harry, il faudrait qu'on essaye de se voir dans la semaine pour appeler. André, oui. Enfin, que vous connaissez plus comme Passepartout dans Fort Boyard. Ah ouais, parce qu'André, c'est les chaussures, moi, donc... Voilà. D'accord. C'est pas le pied, hein. Pas bien. Non, parce qu'il a un groupe de rock. C'est pas une grosse espoir, hein. Oui. Alors, c'est les Rock Keys. Absolument. Ah ouais, ça serait chouette. Ah, c'est sympa, ouais. Ah, ah ouais, franchement, ça, j'ai... Et il a de la prestance, ce petit bonhomme, je peux vous le dire. Ça, mais attends, souvent, ils sont... Pétillants. Comme toi. Ah ouais. Hein, Mimi? Oui. C'est vrai qu'elle parle en connaissance de cause. Bah oui. Effectivement. Bon. Si tu veux bien cesser. Bah oui, bah voilà. Ah, ça va te faire plaisir. Moi, je viens de recevoir un message qui me dit « Elle est trop Onissa ». Trop quoi? Trop tout. Non, elle est... Merci. Elle est trop Onissa. Ah, elle est de trop. Elle est de trop. Elle est trop. Des petits points de suspension à la prestation de chacun. Ouais, c'est ça. Non, c'est, Là, qui vont dire « Oh, elle est Ah oui, non, j'ai pas bien lu le message, oui. Elle est de trop Onissa. Bah, voilà. Bah tant pis, il faudra faire avec. Voilà, donc désolé. Il t'aime quand au contrat? J'ai pas signé le contrat, moi. Ah oui, ça fait un décès, c'est vrai. Moi, je pars quand je veux. Comme ça, on peut rompre. Mais je reste, c'est pas de bol. Et merde. Alors, elle est trop marrante, j'adore son rire. Oh, merci. C'est de qui? On peut savoir. Nathalie, toujours. C'est vrai qu'on l'a déjà comparé. C'est une otarie, c'est ça? Non, une chamelle. Une chamelle, autant pour moi. Qui t'avait comparé une chamelle? Bah, à ton avis, Canon. Hein. Ah ouais, bah, il a jamais entendu une chamelle, à mon avis. Parce que c'est un rire sympa, quand même, une chamelle. Ouais. Ouais. Par contre, c'est pas sympa pour la chamelle. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ah bah ouais, ouais, elle a rien demandé en plus. Ouais, c'est vrai, cette pauvre bête. Bon, allez, bon. Sur ces belles paroles, Flip 4, oh, Sherlock, voilà. C'est pas possible. Ouais, voilà. Sherlock, oui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, restez à l'écoute de RQC, bien évidemment, puisque oui. Bah, vous le savez maintenant, on émet 24 heures sur 24, enfin pas nous, hein, mais oui, j'allais dire. Hector, notre ami Hector, émet 24 heures sur 24, donc vous aurez le meilleur de la musique de tout le monde. Parce que maintenant, si on fait le meilleur de la musique des années 80, vous aurez la danse des canards, à la queue leu leu. Oui, et puis je rassure certains mes auditeurs, m'ont demandé si c'était ma sélection. Il y a Viens boire un petit coup à la maison aussi. Ah ouais, non, mais sérieux, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était moi qui faisais les sélections. sélection, je dis, je n'y suis pour rien. Ah bah, tout à l'heure, et ils ont dit, ah bah tant mieux alors. Ah, il faut être solidaire dans l'émission. Avec, rien ah ouais, mais non, mais ça, de ce côté-là, je suis un peu sa merde. Tu dis que tu l'aimes, c'était un peu ton style, quoi. De quoi? Oh yeah. Tu dis que tu l'aimes. Ah, je pense pas non plus que tu te rends compte. Il y a la contrebasse et tout dedans, tu rigoles, toi. La contrebasse dedans? Bah, je pense, non. Ça paraît, ah, je pense. Ah, c'est, et c'était un collectif de dessinateurs. Ah, il y avait Margerin qui... Hein, Franck Margerin. Ouais. Ouais, c'est possible. Qui était dedans, ouais, notamment. Alors bon, là, justement, on va se quitter avec une chanson. Alors, j'avais pensé, justement, une chanson pour Flipkat, spéciale. Eh ben, tu me verras. C'était... je crains le pire. Mais... non. Alors, j'avais pensé au temps des copains, par exemple. Elle se marre, elle se mange, là. Je gousse parce que je vais chier sur j'avais... C'est une de nos plus belles années. J'avais pensé au temps des copains par les vagabonds. Et après, je me suis dit, non, peut-être Madness avec Baggy Trousers. Ah, bah, voilà. Tu vois, quand tu veux. Quand même, tu vois. Ouais, là, d'accord. Oh, t'as... Il va quand même mettre des vagabonds. Mais t'as une suée quand même. Hein, ouais, je suis chaud là. Avec bouche quand le pire. Donc ouais, je me demande si je vais pas mettre le temps des copains. Non, je crois pas bien parce que là j'ai passé une bonne soirée jusqu'à présent, mais je risque pas de te contrarier chez moi après. Allez, bah. Donc alors, on va sur Madness. Je continue quand même parce que. Oui, vas-y, vas-y. Bah, oui, on va l'appeler habitué. Nanou, tiens, on va être. Allez, Nanou. Nanou. Nanou qui dit ah, mais il faudrait aussi une chanson pour Onissa. Ah ouais, tiens, dis donc. C'est ouais, allez. Allez, ah, le a... blanc. Mais non, mourir les sirènes. Pourquoi? Les baleines. Bah, mi-femme, mi-ton. Et bah oui, j'aime beaucoup d'ailleurs. Et bah oui. Canada. Bah non, c'est ça. Mets... Ah oui, oui, oui. Bah ouais, bah, ça sera. Et c'est vrai que pour sa chronique, il va falloir lui trouver une... Tu sais, un jingle, un truc comme ça. Ouais. Ouais, bah, on n'a ouais, pas. Ouais. Eh ben écoute, on va essayer de trouver ça, hein, Onissa. Et puis, je te fais confiance, mais qu'à toi. Non, tu devrais pas. Et Nathalie, ça, Nathalie répond, très bon choix. Pour le, merci pour le mi-ton. Mi-femme, mi-ton. Mi-femme, mi-ton. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et on se quitte là avec Madness et Baggy Trousers. Allez, bonne allez, soirée, ciao, bonne ciao, semaine. Ciao, ciao, ciao, bye. Bisous, bisous. Thank you.